Lyon Radio 2.0 sur Énergie. Allez à l'antenne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Il est là Paul, 21 ans, du 86, tu montes en polo. Oui, allô. Ça va? Vous allez bien, vous allez bien, vous allez bien. Salut. Ah quoi, Paul, 21 ans, du 86, ça représente. T'es à Sèvres, c'est ça, Sèvres-Anxion? C'est bon, selon, ouais, c'est à 2 minutes de Poitiers. Ok, bah voilà, dans la vienne. Dédicace à tout le, dédicace à tout le 8-6, ça là. Polo qui est là avec nous, tu travailles dans quoi, toi, Polo? Je suis étudiant en géographie. Ok, très bien. Eh ben, c'est vrai, pour de vrai? Ouais, pour de vrai, ouais. Ah, énorme. Et c'est pour faire prof de géo ou t'aimerais faire un métier où tu voyages après? Prof d'histoire géo, mais j'aime bien voyager, donc les deux correspondent, quoi. Ok, très bien. Eh ben, dédicace à toi, gros. C'est vachement bien. Bah, on va appeler un hôtel à Besançon. On va voir si t'es bon en géo, c'est dans le combien, Besançon? Aucune idée. Dans le doux, ah ouais, c'est facile. Salut à tous les copains du doux. On va appeler à Besançon. Tu dois finir tes phrases par gros bâtard. Tu dois caler 7 fois le mot gros bâtard en 1 minute 30. Ouais. Sans que le mec raconte. D'accord. Tu veux que j'en fasse une avant ou c'est bon, tu vas dire vite? Ah bah, c'est comme tu veux. Non, vas-y, c'est toi l'invité. C'est toi l'invité. Non, c'est toi l'invité. C'est au cas où t'avais pas bien compris la règle, mais si tu la connais, je te laisse faire. Allô? Oui, bonjour madame, j'appelle pour réserver une chambre, gros bâtard. Bonjour, on n'a pas de chambre disponible, monsieur, ce soir. Ah, c'est pour la semaine prochaine, gros bâtard, mais j'aurais juste quelques petites questions. Juste avant, est-ce que vous avez un parking dans votre hôtel, gros bâtard? Alors, l'hôtel est en travaux, donc on n'aura pas de chambre pour vous. Au revoir. Oh, oh là là, passez pas. Ah ouais. Comment elle t'a expulsé, grave. Pauvre merde. Elle est vénère, la meuf. Attends, si. J'en fais, je chauffe. Oui, bonsoir. Bonjour, ça dépend l'heure à laquelle je suis. Je viens de me réveiller. Je suis toute patatrac. Je suis marié à un homme hongrois, j'aimerais... Putain, ça répond pas, fait chier, putain, on appelle à Marseille, ça répond pas. Attends, on va où? J'en fais un dans le 76. Le premier qui répond, il a gagné. Hôtel Kyrie, à Montivier, Julien, bonsoir. Oui, bonsoir, oui. Monsieur, excusez-moi, j'aurais voulu réserver une chambre, est-ce que c'est possible, monsieur, s'il vous plaît, là? Pour ce soir? Ça serait pour demain, gros bâtard. Allô? Va te faire enculer. Pourquoi? Mais... Bah, monsieur, je voulais juste réserver une room for my wife and my sisters. Monsieur? Non, gros bâtard! Ah, pas mal, lui. Mais tu étais trop fort. Ouais. Vas-y, hey, attends, on va rappeler. Non, flot des cadeaux, laisse-le-moi, s'il te plaît, au standard. Laisse-le-moi. Remets-moi sur Incat, s'il te plaît, l'ancien. On va rappeler dans 2 minutes. On en fait un nouveau, Paul, c'est à toi. À moi. On va au Mercu de Bordeaux, là. Plus de respect. Putain, parce que. Hey, par contre, faut que ça réponde. Bienvenue à Europe Hotel. Ne quittez pas. Oh putain, là. Oh, la sonnerie polyphonique. Ah ouais. Tu as tué la peur. Ah, ils ont acheté ça il y a 20 ans, quoi. Non, mais franchement. C'est une blague. Et t'es en 2016. Hôtel Mercure, tu laisses pas ça. Ah, au ouais. Prou, ça coûte, putain. C'est chaleureux. Ah, c'est chaleureux. Et ça fait pas du tout mal aux oreilles en plus, toi, t'as un casque. Oh là là. Eh, le mec s'est donné sur la musique. Bon, attends, vas-y. Ah. Allô? Allô? Oui. Oui. Bonsoir, monsieur, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Et celui-là, vous l'entendez? Voilà, parce que vu la sonnerie de votre téléphone, franchement, c'est le minimum. Je vous passe mon petit frère, Paul. Oui, bonjour, j'appelle pour réserver une chambre pour la semaine prochaine, gros bâtard. Je vous passe le vénère. Je rêve de thunes de voyage, j'en ai venu. Attends, j'ai changé ma voix. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? De votre correspondance sont momentanément interrompues. Ah, mais je crois qu'il a compris. Hein. Ouais. Je crois qu'il nous a cerné là. Il nous a cerné de loin là. Il est minuit 2, je vais essayer avec Mickaël en 30 secondes. Juste un petit dernier. J'espère qu'il va répondre quand même. Oui, bonsoir. Oui. Putain, fais chier. Attends, je me fais un autre. Eh, c'est énorme. Sont momentanément interrompues. Ah. Attends. Bienvenue chez Ibis Styles. Bienvenue à l'hôtel Ibisaï de Vierzon, Mickaël à votre service. Oui, bonsoir monsieur, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Et celui-là aussi, tu l'as entendu? Je vous passe mon frère Paul. Oui, bonjour monsieur, j'appelle pour réserver une chambre, s'il vous plaît, gros bâtard. Ça serait pour la semaine prochaine, pour jeudi. Ça vous dérange pas, gros bâtard? Allô? Vous m'entendez? On aurait besoin d'une chambre, moi et ma soeur. Je vous remercie, ça fait du bien au plein boulot. Ça non, fait... monsieur, vous m'entendez? Et celui-là, vous l'avez entendu, c'est un sous-marin. Non, putain! Ah, putain, fais chier. Bon, vas-y, mon gars, fais une petite dédicace, tu me profites, gros. Alors, dédicace à Mazerolle, je suis en soirée ce soir. Ouais. Je fais des gros bisous, ils m'entendent. Ouais. Et puis, bah voilà. Et puis, enfin, une petite promo pour ma chaîne YouTube, Paul Minero. C'est ma chaîne YouTube où je fais des sketchs, donc. Énorme! Voilà. Ah, bah, je vais aller voir. Comment tu dis? Vas-y, je le tape en direct. Ah bah c'est de, je sais pas si ça correspond pour la mettre à la radio, mais c'est Paul Minero, M-I-N-E-R-E-A-U. R-E-A-U, non mais je vais aller voir Minero comme les sels minéraux quoi. Minero. C'est ça, sans accent. Ok, vas-y, je vais aller voir en antenne. Non mais avec plaisir, c'est pas. Ça marche. Eh ben écoutez, bisous mon pote, je te repasse à Minero Standard. Oui. Pas de souci, on peut gratter un petit cadeau? Bah bien sûr, vas-y, je suis en passe. Ça gère. Allez, gros bisous les gars, bon courage, avec plaisir. Allez, on se dit à demain, 21h. Demain, Flo des cadeaux, tu seras pas là. Oui, demain, à ta place, il y aura Julien qui nous appelle du 78 qui a été tiré au sort par hasard. Et on a fait tourner la roue des cadeaux, il y aura quand même JM du Standard. Ouais, je suis là, yo. Quand même Amina du Standard. Oui, quand même Julia. Yes. Qui, non, ils ont du cul, c'est les mêmes. Ouais, il y a qu'un changement demain. Ah, on part plus, ça. C'est un petit changement. Bon, et bah, à demain, Amina du Standard. Bonne nuit, JM du Standard. Bonne nuit. Gros bisous chez vous, bon courage pour les résultats demain. Je vous embrasse très fort. À demain, Flo des cadeaux. À demain. Ah non, pas demain. Bah, pas à l'antenne. À demain, dans le couloir. Ouais. Bonne nuit. À demain, Julien, qui est au stage. Salut tout le monde. À très vite, Flo des cadeaux. À plus. Bis. Hasta luego. Oh là là. Et on vous laisse avec Mickaël qui est de retour tout bronzé de vacances là. Enfin tout bronzé, je l'ai même pas vu, j'ai vu Toff et Polo. Est-ce que tu m'entends, Mickaël? Bronzé, hein. Ça, c'est sûr. Ouais, de vacances, t'as l'impression que je suis parti pendant 15 jours, je suis parti 2 jours. Bah attends, une semaine c'est quand même une vacance, c'est agréable. Ah ouais, tu peux bronzer en une semaine, Amina du Standard, mais je suis parti 2 jours, pas une semaine. Ah ouais, mais ça je sais pas moi. Là, c'est Monoeil et Grèce à Traire, hein, c'est pour ça. De quoi Amina du Standard? Moi pour bronzer, c'est Monoeil, Grèce à Traire. Oh là là là. Je suis Guillaume. Ah non, je me la fous, lui, là. C'est dangereux. La Grèce à traire. Amina du Standard nous fait la. Je suis pas une vache, mais bon, ça va. Ouais. Mais j'ai jamais dit ça. Non, mais je sentais le truc arriver. Non, pas du tout. J'anticipe. Et alors, et donc, tu te fous la Grèce à traire sur quelle partie de ton corps? Bah, sur les seins, hein. Sur les nénés ou non? Non, bah non, bronzer un peu. Non, je garde un maillot quand même. Ouais. Non, en dehors du maillot, le ventre, les jambes. Ah, tu fais jamais de seins nus, toi? Ouais, jamais de mon... Si, mais quand il y a personne, quoi. Ouais. Chez moi. Dans ma salle de bain, putain. Dans ma douche. La Mille et elle prend sa douche avec un kawaii. Ah ouais, elle est fatigante. Je te jure, avec mes bottes de pluie. Bon, allez, les mecs, bonne nuit. Elle m'a fatigué. Bonne nuit, les gars, et à demain. Ça roule. Alors, attends, vous faites quoi? Minuit, 3h ou ça? Minuit, 3h, ouais. On annonce quoi? Alors, j'étais passé par minuit, 3h. Et bah, c'est parti, du coup, bah, voilà. Et bah, minuit, 3h, et bon courage, les gars, et puis à demain. Et bah, demain. Ciao les mecs. Allez, salut. Hop là, on est parti jusqu'à minuit 6. Pas du tout. Il est minuit 6, on est parti jusqu'à 3h. Ne sois pas triste. Le plus important dans la vie, c'est toi. Ta vie, ton bonheur, ton choix. Prends ton baluchon et voyage. Regarde, émerveille-toi. Profite de la vie. Tu es seul. Alors avance. Marche à contre-courant. Parle, change, apprends. Choisis la voie la moins empruntée. Le bonheur est au bout du chemin. Mais ne suis pas le chemin des autres. Personne ne peut rien faire pour toi. Ta vie. Ton bonheur. Ton choix. Tu veux faire le premier pas? Écoute Mickaël sur Énergie. Tous les soirs. Tous les soirs, de minuit à 3h. Ah putain, ça y est, toi, pourquoi tu coupes mon micro? Parce que c'est un imbécile. C'est dingue ça. À peine arrivé, déjà il fout la merde. C'est un truc désolé. De fou quand même. Ouais. Bon, j'espère que vous allez bien, tranquillement, à la cool. Nous, oui, hein, bah, voilà, petit week-end tranquille à Nice, voir des potes et puis suivre le match à la plage. C'est quand même plutôt sympa. Vive la France. Et ça, oui, c'est bah, la France qui a gagné effectivement. Hein, pas la peine de vous le rappeler, vous êtes déjà au courant. Mais malgré tout, c'était quand même plutôt sympa depuis la plage. Voilà. Donc week-end, le week-end préféré de Polo qui a démarré, hein, avec le grand départ en vacances. J'emmerde. Eh oui, Bison Futé était au taquet. Il a encore vu rouge, hein, sur les routes de France, hein, et il a eu probablement raison sur certaines d'entre elles. Donc bravo, hein. Bah oui, non, T'as salué ton meilleur ami ou pas? J'emmerde Bison Futé, j'emmerde les juilletistes et les aoussiens. Non, mais parce qu'on va l'avoir pour deux mois. Ouais, mais ça, c'est à la fin juillet qu'on aura le chassé croisé. T'inquiète pas, là, on vient à peine de commencer. Bon, par contre, pas de vacances évidemment pour les insultes de Toff, hein, qui elles sont bel et bien là, hein, ça, y'a pas de problème. Voilà. Dans la gueule, si je trouvais, tu vas pleurer, putain. Oui, et bah c'est toujours comme ça en général que Toff aime bien se faire saluer. C'est le cul, là, pour les finales. Voilà, c'est gentil. Ta famille, ta mère, ta grand-mère, tout. Voilà, tout le monde. Bon, si vous avez des numéros de téléphone de gens aussi sympathiques que ceux-là, envoyez-les sur le mail de Toff, toph@energie.com. Et puis on fera des appels mal intentionnés, ce sera dans une vingtaine de minutes. Je vous donnerai le thème de ce soir d'ailleurs. Pour les appels mal intentionnés, vous pourrez aussi réagir au thème, bien sûr, ça tombe sous le sens. Polo, donc en pleine forme, comme on l'a pu le remarquer. Bon, je dois avouer, puisqu'on peut, on peut pas mentir. On peut pas mentir mille fois à une personne. Et ouais, non, c'est vrai. J'ai la chiasse en fait. Je suis ouais, désolé. Mais c'est dingue ça, c'est vrai, il a la chiasse. Ça comme ça, mais c'est vrai, c'est vrai, il a la chiasse. J'ai dû manger un truc qui peut passer. Bah quoi. Ouais, c'est bizarre. Si vous avez des conseils, allez-y. Hein. 01 40 71 5000, on est là, on est en direct. Il y a Valentine qui est au standard également, ça va bien. Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Bon, t'as passé un bon week-end. Ouais, un super week-end. T'as, ah oui, t'avais pas ta soirée déguisée ou je sais pas quoi là. Ouais, je me suis déguisée en indienne. Oh là là. Mon Dieu. En indienne, mais oh là là. C'est ouais, soirée déguisée chez Valentine, c'est comme YMCA, quoi. Ouais. Ah oui, ouais, YMCA, voilà, c'est ça. Bon, bah, écoute, qu'est-ce que tu veux. Hey, vous avez vu le mec. Alors, je sais pas si c'est vrai ou faux, j'ai vu ça sur Facebook. Un mec soi-disant. Enfin, soi-disant, je dis soi-disant parce que c'est vrai que ça paraît tellement improbable que je dis soi-disant quand même. Le mec qui était un peu bourré et il a misé le score exact de France-Islande. Ah ouais, oui, il avait, il avait misé 4-0 à la mi-temps, bah, le score réel, et score final 5-2. Il avait mis 400 euros, la cote était à 2100 ou 2600, et il a pris 1 300 000 euros. Ouais, enfin, mais c'est, il y a toujours des trucs comme ça après ces matchs-là, moi j'y crois pas. Bah, je sais pas, du coup, je sais pas. Vous avez déjà eu de la chance au jeu d'argent ou pas vous? Jamais. Et vous avez déjà gagné ou pas? Dites-nous, tiens, 0-40-71-5000 ou Mickaël et votre message au 612. Laissez bien votre numéro de téléphone. Et puis on vous rappelle en direct. T'as déjà joué ou pas, Valentine, à des jeux d'argent? T'as déjà eu de la chance ou pas? De quoi? Des jeux d'argent, des jeux à gratter, casino, tout ça. T'as déjà eu ou des paris? Ouais, enfin, j'ai gagné 20 euros quoi, c'est pas. Mais t'avais misé combien? Bah, c'était 1 euro, c'était un ticket gratté. Bah, attends, c'est 20, la mise de 20, c'est quand même pas mal, hein. Ouais. Bah, ouais, ouais, franchement, ouais, franchement, c'est pas mal. C'est pas ouf par rapport à d'autres qui gagnent 200, 300. Non, oui, non, bah, bien sûr, mais il y a toujours mieux. Mais après, il y a ceux qui perdent aussi, hein. Mais dites-nous, tiens, si vous avez déjà fait des jeux d'argent, est-ce que vous avez déjà gagné des grosses sommes ou est-ce que vous avez déjà perdu des grosses sommes aussi d'ailleurs, tiens. 01 40 71 5000. Vous pouvez également balancer tous vos messages. Vous mettez M-I-K-L, espace votre message et votre numéro si vous voulez passer à l'antenne au 612. Salut l'équipe, content de vous retrouver ce lundi. Bisous à tous et bisous à c'est Marion qui avait envoyé le message. Polo, tu dois boire de l'eau et du riz si tu veux pour le mal au bide. Ouais, bah, le riz, il a déjà bouffé, ouais. Mais après l'eau, bah l'eau aussi. Hein. Ouais, bah, finalement, je il a fait les deux. On verra bien si ça passe ou pas. Tiens, écoute le nouveau son de 21 Pilots, c'est Hiddens, et tu pourras le passer. Il défonce. Ah ouais, je l'ai entendu. Effectivement, c'est une grosse tuerie. Je confirme. Aurore aussi. Qui a envoyé un message qui dit coucou les copains, toujours au rendez-vous pour passer une soirée de folie avec cette chaleur qui nous crève ici. Ah ouais, putain, je peux te dire, j'ai passé le week-end à Nice, il fait chaud sa mère. Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais, j'étais presque content de revenir à Paris. Il faisait frais, je suis sorti de l'avion, il faisait frais, c'était cool quoi. Polo, ah ouais, le riz, ouais, pardon, je l'avais pas vu. Donc 612, vous mettez Mickaël et votre message, n'hésitez pas, et puis venez nous rejoindre aussi sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous tapez donc M-I-K-L officiel pour venir nous rejoindre. Et en plus de ça, sur Facebook, je vous ai mis un jeu pour gagner une GoPro cette semaine. Donc si vous voulez repartir avec la GoPro, eh ben allez voir sur le Facebook de l'émission. Dites-moi simplement avec qui, qu'est-ce que vous filmeriez, qui vous filmeriez avec la GoPro. Vous allez sur Facebook, je tire au sort jeudi soir pendant l'émission. Donc n'hésitez pas. M-I-K-L officiel, Mickaël qui est avec nous maintenant. Salut Mika. Bonsoir. Comment ça va? Super, super. Et bon, on t'entend super mal, Mickaël. T'es où? T'es dans ta voiture, en camion? T'es où? Non, je suis en ville là. Ah d'accord, ok. Et t'es en ville où? Près de la grande place, en Purple, à petit verre avant d'aller au boulot. Mais t'es à Bruxelles? C'est ça. Ah ok, d'accord. Non mais d'accord, ok. Parce que tu me dis, je suis sur la Grand Place. Enfin, la Grand Place, il y en a plein. Tu sais que c'est bon, la Grand Place. C'est la ville, c'est l'endroit préféré à Bruxelles de Polo. Mais c'est la Grand Place. J'aime bien les cafés, j'aime bien tout l'endroit. Je sais pas pourquoi j'adore l'endroit, mais c'est vrai. Bah, c'est un côté un peu particulier, un côté un peu bizarre, mais bon. Bon, Mika, et donc du coup quoi, soirée ce soir, c'est ça? Bah ouais, un petit verre. Après, on va aller travailler. Hein. Mais tu fais quoi? Boulanger. Ah t'es, oh là là là là. Bah c'est bien, hein, mais putain, faut se lever tout et tout. C'est. Tu veux pas nous faire des 8? Ah, j'adore, c'est trop bon. Même, ah, il adore des 9, les... même des 9 si tu veux. Ouais bah voilà. Hey, tu mais ça fait... tient moins bien la crème. Je me suis fait escroquer. J'étais à la station service tout à l'heure et j'ai vu qu'ils vendaient des éclairs au chocolat. J'en prends un pour Toff. Ouais. Je le paye. La meuf me le met pas dans le sac. Je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé à la radio. C'est pas vrai. C'est ouais. Je me suis fait rouler, dis donc. Bien, on m'a bien. Volé un éclair. C'est génial. C'est scandaleux. Les chiens, c'est je te jure. Tiens, Mika, t'as déjà joué à des jeux d'argent? T'as gagné ou pas, toi? Ça arrive. Ouais, non, mais d'accord, mais t'as déjà gagné combien? Genre, t'as misé combien? T'as gagné combien? Ouais, j'ai déjà fait quelques paris de 50 euros sur le foot. J'ai déjà gagné 500, 600 euros. Ah ouais. Il y en a un qui bosse pas loin de la radio, qui bosse dans une friterie. Il a misé au début de l'euro, il a tout arrêté parce qu'il a tout perdu avec cet euro complètement bizarre, avec ses scores complètement improbables. Soit c'est nul, soit c'est 1-1, soit c'est 0-1 à la dernière seconde, soit c'est 5-2 comme hier. Enfin, c'est un truc à prendre. Mika, bouge pas de là deux secondes, je vais te reprendre. On va se faire le chéri, je peux te faire cocu aussi tout à l'heure si vous voulez jouer avec nous. Bah là aussi, vous appelez Valentino Standard. 01 40 71 5000, il y a une Xbox One à gagner. Le principe est simple, on appelle votre copain ou votre copine, vous lui faites croire que, enfin, vous lui demandez simplement si vous pouvez le ou la faire cocu juste un soir, et après vous rentrez à la maison comme si de rien n'était. Le but évidemment, c'est de l'énerver forcément. Plus il ou elle s'énerve, plus vous avez de chance de repartir avec la Xbox. Vous appelez le 01 40 71 5000. On va s'écouter également le son de Gnash qui va arriver. Je vous mettrai aussi Justin Timberlake. Et puis il y aura Chainsmokers. Voilà, on va se mettre bien tout à l'heure avant 1h du matin. Et il y a un message qui dit Polo, pour le mal au bide, bois un coca sans bulle. Big up à tous les routiers de France. Ah oui, ça marche bien ça. Tu mets un coca rouge, un coca normal, hein, pas un zéro ou un light. Double Ricard pour Polo et sa chiasse. Tu peux essayer. J'avais parié 20€ pour une bagarre entre un pote et un autre mec, j'ai gagné 70. Pas mal, une belle cote ça quand même. Hein. J'ai déjà joué au jeu mais j'ai jamais de chance. C'est Jessica, de Corse, du 2A. Aujourd'hui c'était mon anniversaire et j'ai passé le pire anniversaire de ma vie. Appelle-nous ou laisse ton numéro de téléphone pour qu'on en parle. Tiens, 01 40 71 5000. Si tu veux passer en direct avec nous, évidemment tu es la bienvenue. Bon, on va récupérer Mickaël, on va prendre Evan aussi dans un instant qui est avec nous. Salut Evan de Moselle. Salut. Comment ça va? Bah ça va et toi? Eh ben super Evan, t'as déjà joué au jeu d'argent? On va en parler dans quelques minutes. Ouais c'est ça. Bon ouais. Bah parfait, eh ben bouge pas de là Evan, on va faire ça dans quelques secondes. On va d'abord s'écouter le son de David Guetta et Zara Larsson maintenant. Bah l'hymne de l'euro évidemment. Eh ben oui, on va se l'écouter maintenant. On est sur Énergie, il est minuit 15, passez une bonne nuit tout le monde. So let's keep living till it all falls down. Let's close our eyes and let the moment drown our whole world out. We're in this together. Hear our hearts beat together. We stand strong together. We're in

Mickaël n'ira pas bronzer à Hawaï. Duff n'ira pas chez sa mère. Et Polo n'ira pas prêcher sa philosophie. Par contre, ils seront avec vous tous les jours de minuit à 3h. Sur Énergie. Et sur Twitter, Facebook et Instagram. Allez, on est en direct, bienvenue hein, si vous venez d'arriver encore une fois, c'est Mickaël sur Énergie, comme toutes les nuits. Il y a une heure sans pub maintenant, ça y est, c'est parti. On va s'écouter aussi le son de Gnash qui va arriver, tiens, ça va être du lourd aussi ça. Il y aura Justin Timberlake. Et on mettra même Pink, tiens. Ouais. Et on parlait d'argent, est-ce que vous avez déjà misé de l'oseille comme le mec qui... Alors je sais pas si c'est un fake ou pas, mais enfin si c'est pas un fake c'est beau. Si ça l'est, bon bah ça sert à rien, mais ça nous permet d'en parler en fait tout simplement. Le mec qui aurait misé le score exact France-Islande en mettant bien avant la mi-temps, ouais. 4-0 et après 5-2 à la fin du match. Qui aurait donc pris 1 300 000 euros avec une mise de... Je sais plus si c'était 500 euros ou 600, enfin bref, la cote était à 2000, plus de 2000 la cote, donc un truc de ouf. Donc du coup, bah voilà, venez nous dire si vous avez déjà gagné ou pas. Il y a Eva qui dit, moi j'ai gagné 20 euros, un jeu de grattage, c'était un astro vierge, c'est ni Eva, bah c'est bien 20 balles. Corentin aussi, tu sais qu'on a plus de chances de mourir sur le trajet du bar où on a acheté le ticket à chez nous que de gagner à l'euro million. Ah ouais, non mais je sais, mais gagner à l'euro million, c'est une catastrophe quoi. T'as aucune chance de gagner. Hein. Message qui dit, petite pièce de 1 euro misée sur un combiné de 12 matchs de foot. Résultat 720 euros de gain. Bonne soirée, c'est Florian. Bah salut Florian, c'est pas mal aussi, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a aussi? J'ai déjà joué au jeu d'argent, j'avais misé 2 euros, j'ai gagné 160. J'avais joué au Paris Sportif sur ce bonne soirée, je vous écoute toute la nuit. Bah merci beaucoup. Bonnes vacances aussi d'ailleurs à ceux qui en profitent déjà. Et puis bah pour les autres, bon boulot. Evan, t'es avec nous en Moselle? Ouais, je suis là. Très bien. Bon alors bienvenue Evan. Alors raconte un peu toi, comment ça se passe au niveau de l'oseille. T'as déjà fait des paris, t'as déjà joué à des jeux, t'as fait quoi exactement? Ouais bah moi en fait il m'est arrivé un truc de ouf en fait, parce qu'en fait j'avais 8 ans, ouais. Et en fait j'étais en train de me balader avec ma mère dans les magasins, et puis je passe devant un bureau de tabac, et puis je vois une machine qui sert des jeux à gratter, et puis on met la petite pièce et puis le jeu il sort. Et je demande à ma mère pour avoir un banco en fait. Ouais. Donc elle me paye un banco, je rentre à la maison, puis je connaissais pas du tout, c'est la première fois que je jouais au jeu là, je gratte le banco et puis là je vois 1000 euros. Non, ça c'est bon. Et, oh putain. Et donc je vais voir ma mère, je fais maman j'ai gagné 1000 euros, ma mère elle en revenait pas, elle criait partout et tout. Et moi en fait j'avais peur qu'elle me bite les 1000 euros en fait, qu'elle allait les garder du coup. Ouais, en même temps t'aurais pu partager, c'est elle qui a douillé quand même. Hein. C'est là que Polo te rappellera qu'il faut toujours se méfier de sa famille. Toujours. Ne jamais avoir confiance. Jamais. Non mais après t'as quand même partagé un petit peu quand même, rassure-moi. Oui, non mais après ma mère elle m'a donné des sous-fris, je lui en ai donné un peu. Puis il y avait mon frère aussi qui avait pris un banco, mais il était dégoûté parce qu'il avait pas gagné. Ah oui, mais ça, donc vrai. J'ai partagé un peu quoi. D'accord, bon, faut pas trop partager non plus Evan. Hein, voilà, j'ai gardé la majeure partie quand même, hein. D'accord. J'ai pas trop donné. Hein. Bon, bah ça va alors, c'est le principal. Bon, et du coup, tu rejoues encore de temps en temps ou t'as pas eu la folie des grandeurs? Je rejoue de temps en temps, mais en ce moment c'est pas trop la chance. Ouais, mais c'est ça, mais c'est ça. C'est ce que j'avais déjà expliqué un jour. Moi, je misais souvent sur le foot, les paris sportifs avant. Et c'est vrai que j'avais eu, je sais plus sur quel site je m'étais inscrit. Bref, n'importe. Et il y avait 20 euros gratuits. Tu sais, tu misais une fois et en misant une fois, bah si tu perdais, ils te remboursaient, et si tu gagnais, bah tu gagnais. Donc j'avais misé, j'avais gagné. Et du coup, au fur et à mesure, je crois sur quelques mois, on va dire, hein, quelques mois, j'étais arrivé avec mes 20 euros de base qui en fait m'ont coûté 0 euros, hein, puisque c'était offert. Ouais. Je suis arrivé à quasiment 1600 euros sur le compte. Et à un moment, eh ben, ces connards de bleus, hein, au lieu de faire comme le match comme hier, non, ils avaient fait de la merde. Il y avait un match, c'était avant la Coupe du Monde, il y a 4 ans, je crois, un truc comme ça. Il y avait un match de préparation ou un match amical, France-Chine. Je me dis bon, pépère. La cote de la France était à 1,10, enfin un truc ridicule, et la cote des Chinois était à 14. Bon, j'ai tout mis sur la France parce que je me dis bah si je mets 20 euros à une cote pareille, ça va me rapporter 2 centimes. Je vais mettre tout le pactole. Ah oui, j'ai quand même aucune chance de perdre. C'est quand même la France. Je veux dire, c'est les Chinois. Vu la gueule de la cote, aucune chance de perdre. Et ben c'est trop du cul. On perdu 0-1. Et là c'est le drame. Et ben voilà, j'ai tout perdu. Ah, j'étais vénère. Ah ben après j'ai plus misé, ça m'a saoulé. J'avais tout ce temps que j'ai mis pour avoir ça et tout est niqué en une. Bon après c'est moi qui étais con aussi, hein. Tu vois, c'est le problème de l'appât du gain. Ouais. C'est que t'avais, et au lieu de te dire, bah, et bon, je vais peut-être, je vais arrêter là, tu vois, je vais récupérer l'oseille, c'est quand même bien. Bah non, je me suis voulu plus. Et ben j'ai toujours plus dans le cul. Bah ouais, ouais. Et j'ai tout généralement, dans le cul. Là, on a toujours tendance à rejouer dès qu'on gagne un peu et puis on perd tout après. Mais c'est le principe. Mais c'est ce qui fait que les casinos gagnent toujours. Que la banque gagne toujours, parce que le problème c'est qu'au casino tu vas miser, tu vas gagner, pas, tu perds. Et quand tu perds, tu dis non, je vais me refaire. Bah non. L'humain ne change pas. Tu te referas jamais. Mais c'est pour ça que les gros joueurs, par exemple, ils ont une espèce de truc, c'est de jamais rester au changement de croupier. C'est-à-dire que si tu regardes les vrais gros joueurs, en fait, dès qu'il y a un changement de croupier, ils se cassent. Bah pourquoi? Bah parce que c'est un moyen de se dire, bah faut que je m'arrête quoi. Ah oui, oui, d'accord. C'est même ce que tu vois, genre ils ont gagné, il y a le changement de croupier, ils arrêtent. Ouais. Comme ça, c'est un moyen de sortir, mais bon, après, ça marche pas à tous les coups quoi. Non, c'est clair. Si le croupier vient d'arriver et que tu gagnes, bah derrière, la banque regagne. Et à Seb de Quimper qui dit, Tof, c'est un gratteur, on aurait dû le prénommer Banco. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu, c'est vrai. C'est vrai. J'ai joué 20 euros dans un casino en Suisse, j'en ai gagné 12 000, c'est Kamel. Ah ouais, putain. Alors ça par contre c'est pas mal hein. Ouais, c'est pas mal, moi j'ai joué 5 et j'ai gagné 20. C'est bien aussi hein. Dollars. Oui, bah c'est déjà pas mal, t'as déjà pas perdu. Non c'est vrai. Et ce qui était marrant c'est que une fois j'étais un casino à Las Vegas et en fait le mec il a gagné genre genre 3 fois de suite il a sorti un numéro, tu vois. Et derrière après avant de partir, il a donné 20 dollars à toute la table et 100 dollars à la croupière. Ouais, mais quand t'es blindé, je pensais à rien. Les mecs, ils ont l'impression d'être un jeu de société, quoi. Et en fait, il est pas obligé de le faire. C'est pour eux, c'est un moyen de genre remercier le sort et tout. Tu m'as fait gagner, je partage. Ah ouais, d'accord, ok, un idiot, quoi. Oui, après tu dis non, mais tu sais, c'est après pourquoi pas. Hein. Tu sais, ces mecs-là, ils ont tous plein de tics comme ça, où tu vois, superstition, où ils ont l'impression que tu sais, ça leur permet de gagner. Ouais, j'en avais vu un moi sur une table. Il avait des jetons, mec, des trucs de ouf. Il avait je sais même pas combien de dizaines de milliers d'euros, dollars là qui étaient sur la table, c'était violent quand même. Mais bon, bah Evan, merci d'avoir appelé. Bah avec plaisir, ça m'a fait plaisir de vous parler un peu. Bah avec plaisir, tu nous rappelles quand tu veux, t'es le bienvenu, y a aucun problème Evan. Merci beaucoup, bah passez une bonne soirée, merci hein. Merci à toi, salut Evan, ciao. Salut, bye bye. Salut, ciao. Ciao. Bon Michael, t'es de retour là, toujours Bruxelles? De retour. Oula, parle dans le téléphone, Mickaël, parce qu'on t'entend pas là. Je suis là. Ah, voilà, nickel. Ouais, voilà, impec. Bon, alors, du coup, Mickaël, tu nous disais quoi, toi, par rapport au jeu d'argent? T'avais déjà misé, gagné ou pas? Oui, bah, on va dire que je suis un peu un joueur régulier. Ouais. Mais tu joues à quoi? Ça, paris sportif, un peu jouer à la roulette, un peu de tout, en fait. D'accord. Ok, très bien. Et genre, le dernier truc que t'as fait, dernière banqueroute et dernière gros jackpot. Bah, c'est pas vraiment des gros jackpots. Disons que ça va être régulier, mais je reste toujours sur des sommes de 400, 500 gains, je retire. Mais c'est très régulier, on va dire. Ah oui, ça va. Non, mais ça va. Globalement, t'es plutôt dans le vert. Non, parce que pour jouer il faut aussi gaspiller, donc du coup je pense qu'au final on est toujours perdant. Ouais, mais c'est comme les mecs qui jouent comme les mecs qui jouent au loto à l'euro-million. Ouais, j'ai gagné 20 euros ou 200 euros. Ouais, mais t'en as perdu combien avant? Ouais, non, mais mais c'est pas grave, mais là j'ai gagné. Oui, bah d'accord, mais après il faut voir sur le total, faut voir sur le total si t'as perdu ou si t'as gagné, voilà. C'est ça aussi. C'est dans le sens, voilà, on en gagne 2000, le jour où on en gagne 1000, bah on est super content. Mais évidemment. Ouais, c'est normal en même temps. C'est bonne guerre. C'est l'adrénaline surtout. C'est clair. Bon, bah merci Mickaël d'avoir appelé en tout cas. Bah bon courage pour le taf. T'en prie, avec grand plaisir. Tu rappelles quand tu veux. Bah j'espère bien. Et on embrasse tout le monde dans la grande place à Bruxelles, pas de problème. À bientôt. Salut Mika. Salut, ciao. Ciao. On aura Kamel aussi dans un instant. Ah mais Kamel, c'est toi le gagnant du jackpot là? Ouais, c'est moi. Bon Kamel, bouge pas, je t'en prends dans un instant, d'accord? Ok, ça marche. Bon, bouge pas, on va se faire les appels mal intentionnés aussi avec Tof. Il y a Karatik qui dit salut l'équipe, de retour pour vous écouter pendant 2 semaines. Ah, c'est cool Karatik. Bon, la semaine prochaine on n'est pas là, mais après on sera de retour tout l'été de 20h à minuit. Voilà, comme ça tu le sais Karatik. Et Sacha qui dit le plus que j'ai gagné un jeu de grattage c'est 25 euros pour une mise de 5, c'est pas mal. Salut, je viens d'arriver, passe un coucou au chien de la casse. Avec plaisir, le chien de la casse est en Tof, hein. Et il sera ravi bien sûr de ce petit message de paix, d'amour et d'amitié, bien entendu. Bon, allez, on va s'écouter Knash maintenant. Appelez-nous pour participer, hein, comme d'hab, 01 40 71 5000, minuit 33, au cœur d'une heure sans pub. On écoute Knash maintenant sur NRJ. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat,

Non, mais jamais en fait. Non, le téléphone jamais. J'ai fait par Skype, mais bon, on se voyait. Et après, genre des échanges de photos via Snapchat, mais c'est tout quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Bon bah très bien. Bon bah dites-nous vous, hein, 01 40 71 5000. Bon, on y va, Tof. Tu vas demander donc à tes amis s'ils ont déjà fait. Bah oui, allons-y. Allez, bah, c'est parti. On y va. On appelle. Il est minuit 39. Première giclée des appels mal intentionnés ce soir. Et premier du mois de juillet aussi, dis donc. Hein. Ah bah alors. Oui, allô. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, oui. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà fait l'amour par téléphone, monsieur. Pardon ? Est-ce que vous avez déjà eu un rapport sexuel par téléphone ? Un rapport sexuel par téléphone ? Non, mais je pense que je vais en avoir un tout de suite. Qui t'es ? Je m'appelle Tof, monsieur. Ah, vous appelez Tof ? Oui, c'est ça. Un nom à la con, un peu, quand même. Oh non, monsieur, dites pas ça, c'est pas gentil. Ah bah, attendez la suite, vous allez voir, ça peut être gentil. Alors, ah. Pourquoi vous me posez cette question ? Je comprends pas. Bah pour avoir la réponse monsieur, enfin c'est logique en fait, moi je vous appelle. La réponse c'est logique, en plus tu me prends pour un con. Ah bah... c'est génial, je t'adore toi. Bon bah écoute, déjà tu vas commencer par aller niquer ta mère, ça va être déjà un bon truc. Mais et puis après tu vas... Parce que là je suis au boulot en fait, tu me gênes un peu. Bah, mais déjà d'accord. Tu vas commencer par aller niquer ta mère. Bah non monsieur, enfin ça se fait pas des choses comme ça. Tu vas baiser ta soeur, si oh, t'en as une. Et si t'as un frère qui ira le sodomiser, c'est pas grave, je m'en fous. Non monsieur, non, pas de ça entre nous, enfin ça se dit pas des choses comme ça. Bah pas de ça entre nous, ah non parce que si tu veux ça peut arriver entre nous aussi. Bah, et en fait là, il y a Marty McFly qui m'a appelé là. Il vient de me dire faut que tu remontes dans le passé pour aller niquer ta mère. Non monsieur, non, dites pas des choses comme ça. Ah si si, je t'assure, je peux les dire. Je peux même te dire que je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras mon gars. Non monsieur, non, allez, répondez à ma question. Bah non mais là je suis en train de répondre à ta question, là je suis en train de te faire l'amour par téléphone mon gars. Bah non, là on fait pas l'amour monsieur, là vous êtes vulgaire et désagréable. Ah, si. Non, je suis pas vulgaire et désagréable, parce que je peux être désagréable en plus. Parce que là, ce que j'ai envie de te défoncer le fion, te foutre du sable dedans, du gravier et te saupoudrer à la Rita. Oh non, non, monsieur, non, non, ça non. Ah, non, si, non, si, monsieur, si, ça si. Doit faire très mal tout ça, non, monsieur, non, pas de ça entre nous. Ah monsieur. Non, non, ça fera mal quand j'aurai mis du verre pilé en plus, pas oh tard. Non, non, monsieur, non, pas le verre pilé, non. Non, je peux ah, pas si. Vous laisser dire des choses comme ça. Ah si, si, si, puis je vais saupoudrer de punaise en plus. Oh non, non, monsieur, mais ça va faire très très mal. Ah, ton fion, ça va être un garage à af. Oh, dites pas des choses comme ça, monsieur. Mais question comme ça, parce qu'en plus numéro masqué j'adore. Mais oui. C'est parce juste que... comme ça pour savoir. Vous avez eu ce numéro comment monsieur? 118-218 monsieur, toutou youtou. 118-218 toutou youtou. Oui. Ah bah c'est une belle bande d'enculés quand même. Bon. Mais dis-moi. Oui. Dis-moi, pourquoi t'appelles les gens comme ça? Bah c'est pour quoi ton projet de vie? Bah en fait j'ai pas de projet monsieur, je suis au chômage. Et donc ah, du coup. Au chômage, ouais, bah je comprends bien, oui. Et donc du coup, j'aime bien appeler les gens pour leur poser des questions. D'accord. Pour passer le temps. Ah, pour passer le temps. D'accord. Ah, toi, tu passes le temps en faisant chier le monde, quoi. Mais je vous fais pas chier, monsieur, je vous pose juste une question. Bah, si, ça fait chier le monde. Je suis au travail, mon gars. Déjà, je réponds. Déjà, c'est déjà gentil. C'est vrai, je vous remercie, monsieur. Mais non, mais me remercie pas, c'est gratuit, hein. Bah, heureusement, encore heureux que vous me faites pas payer. Ah, bah, avec des conneries pareilles, je pourrais te faire payer, gros connard. Bah, non. C'est beau, lui. Non, monsieur, dites pas ça. Ah bah si, bah attends, je vais te faire écouter un bruit. Oui. Ah oui, bah un beau bruit, putain. Ah, il était pas mal lui, hein. Il était bon avec Marty McFly, j'ai ah, venu. Ah, Marty McFly. Je n'ai plus, tu vas me refonder de bâtir pour baiser ta mère. Bon, on le rappelle. Allez, minuit 42. 1er juilletiste d'ailleurs, les appels mal intentionnés. Oh merde. Ouais. Oui, je m'excuse monsieur, ça a coupé. Ah non, ça a pas coupé, j'ai raccroché. Bah non, vous alliez me faire écouter un bruit. Bah oui, c'est ça. J'ai fait écouter un bruit, moi, mon con. J'ai fait écouter un bruit. Bah attendez, je comprends pas, parce que en fait, j'ai rien entendu comme bruit. Bah si, c'était le bruit de la tonalité quand tu raccroches, connard. Ah, j'avais pas voilà. Compris. Ah bah oui. Bon, mais écoute, du coup, vous avez pas répondu à la question. Là, écoute, mon con, je te laisse aller au fucking Blue Boy, parce que faut que je raccroche, connard. Allez. Bah oui, mais répondez à la question d'abord, monsieur. Fils de pute. Non, pas de vulgarité, monsieur. Arrêtez de dire des choses comme ça. Allô. Ah, il était pas très gentil, le monsieur, quand il même. Il est là, même hein. Très pour méchant. Le coup, ouais, plutôt, ouais. On va le rappeler encore une fois. Tiens, attends une seconde, là. Ça dit très bien drôle, le fucking Blue Boy. Magnifique. Ah ouais, toi, t'es un adepte. Un grand adepte. Allô. Oui, je m'excuse, monsieur, mais vous avez raccroché un peu vite, vous avez oublié de répondre à la question. Ah bah oui, puis j'y répondrai pas. Bah, et en plus, t'insistes, en plus. Bah oui, si. Et t'es con. Bah non, monsieur, enfin, je pense pas. Tu penses pas? Bah non. Ah non, moi je pense pas, mais j'en ai une quasi certitude, mon gars. Bah non. Oh, putain, oh la vache, oh je suis tombé sur un bon. Bah oh là là là là là. Oh mon dieu. Mais non, monsieur, non. Mais si. Mais non, allez, répondez à ma question, monsieur. Ah non, je vais pas répondre à ta question. Mais si, monsieur, vous avez... Mais quelque part, j'y réponds, là. Je suis en train de te faire l'amour au téléphone, mon gars. Bah non, on fait pas l'amour, là, monsieur. Vous me dites des choses méchantes. Vas-y, donne-moi ton adresse. Je vais venir, je vais te bifler, et puis on va régler le problème. Tu m'auras téléphoné, je t'aurais fait l'amour par téléphone, mon gars. Alors, vas-y, t'habites où, mon garçon? Alors, moi, je suis 22. 22. Rue. Rue. Je vous l'appelle ou ça ira? Non, ça ira. Appelle pas, me prends pas pour un abruti non plus. Et Boileau, monsieur, comme le poète. 22 rue Boileau. Oui, c'est ça. D'accord. 22 rue Boileau, mais où? Ah, parce que les rues Boileau, moi, j'en connais plein. À Paris, monsieur, dans le 16e arrondissement. Dans le 16e arrondissement. Ah. C'est bien ça, Paris, c'est cool. Ben oui. C'est sympathique. Ça va, je suis pas très loin là, je suis à Roissy. Eh ben parfait, je vous attends alors. J'arrive, mon garçon. Bon. Non, je peux pas, je suis au boulot. Mais je viendrai peut-être te rendre visite un de ces quatre. Bon, bah on fait comme ça alors, je vous attends, je vous prépare. Comme ça. Je vous prépare des biscuits, un petit café. Pas un café, oui, mais pas aujourd'hui, hein, parce que là je peux pas. Ah d'accord. Mais je viendrai. Bah d'accord. De toute façon, t'es là-bas tous les jours. Ah oui, bah oui, moi je bouge pas, moi je reste à la maison. D'accord, tu restes à la maison. D'accord. Oui. Eh ben écoute, je vais venir, mon garçon. Je vais venir. Vendredi soir, ça te tente? Eh ben parfait. Vendredi soir. Eh ben écoute, 22 rue Boileau. Voilà. J'arrive à la même heure. Eh ben parfait. Comme ça, je vais pouvoir t'enculer directement sur place. Prépare le lubrifice, mon gars, parce qu'à mon avis, tu vas tourner du cul, bâtard. Eh ben. Allez, à tout à l'heure, ma couille. D'accord. Enfin, eh ben à vendredi. À vendredi. Et si jamais vous passez pas, j'hésite pas à vous rappeler, hein. Hésite pas si je passe pas. D'accord. Et pour conclure, je te dirais bisous et enfilade, connard. Allez, bisous, monsieur, hein. Passez une bonne soirée. Bisous et enfilade. Allez, salut, bâtard. Eh ben voilà, il est bon, hein. Il était sympathique. Il était magnifique. Je pense qu'il a un don d'écriture. Ouais. Il y a Alan qui dit t'appelles mal attentionné et sur magique. Oui, il était pas mal. J'avoue. Bon, si vous connaissez les gens dans le même état d'esprit, nous après on dit que c'est 118 218 tout ça qui nous a balancé le numéro de téléphone. Tout bien YouTube, évidemment, pas, tout on préserve votre anonymat. Donc si vous connaissez des gens qui s'énervent aussi vite, hein, n'hésitez pas à envoyer des numéros de téléphone sur le mail de Tof toph@energie.com ou alors sur SMS vous envoyez Mickaël espace Tof et le numéro de téléphone de la personne à appeler. Et vous envoyez ça simplement au 6-11-12. Bon, Justin Timberlake, on écoute ça maintenant. On est au cœur d'une heure sans pub, c'est Mickaël. Soit il est bienvenu si vous y arrivez, il y aura Chainsmokers. Et puis on va prendre Emmerich, Kamel et Terence juste après ça. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes nowhere. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. You when you dance, dance. can't stop the, I can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Minuit 49, c'est Mickaël sur Énergie. On est au cœur d'une heure sans pub. Et on va s'écouter aussi à suivre comme promis de Chainsmokers. Et il y aura Pink également. Et à suivre aussi la Xbox One à gagner avec le chéri je peux te faire cocu. Si vous voulez participer, 01 40 71 5000. Pendant les vacances, qu'il fasse soleil, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, on ne vous laisse pas tomber. Tous les soirs, de minuit à 3h, c'est Mickaël. Mickaël sur Énergie. Bon. Y'a Maëva qui dit coucou tout le monde. Salut Maëva, y'a Aurore aussi. Préparez la musique d'anniversaire car c'est bientôt le mien, les copains. Ah bah écoute, tu nous diras Aurore quel jour précisément. Hein. J'étais en train de faire le mur et j'écoutais la musique. J'ai failli me casser la gueule comme une merde. J'ai échappé de peu, me faire choper. Ça fait 3 ans que je vous écoute. Juste après Guillaume, vous êtes au top. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Gros bisous, puis fais gaffe la prochaine fois. Julien qui dit toujours posé sur Énergie avec Mickaël cette fois-ci. Eh bah écoute, bienvenue à toi Juju, gros bisous. Et Corentin qui dit moi j'ai dépensé 80€ aux machines à sous des fêtes foraines pour gagner des pétards. Ah oui. Ouais, c'est minable. Ah, et ça arrive, hein, ça arrive. Il y a Max aussi sur Facebook qui dit moi j'ai parié 400€ sur des matchs de Ligue 1, je pouvais gagner 35 000€. Il y a une seule mise que j'avais mis gagnante et il a perdu, du coup j'ai gagné 100€. C'est déjà pas mal, mais c'est vrai que venant de 35 000, ça fait mal. Hein. C'est très mal. Ah, c'est quand on s'attend à toucher 35 000 et qu'on en a que 100. Ouais. La chute est dure. Toujours. Apollo ? Oui. La chute est violente. C'est la pire. C'est la pire, c'est quand tu t'attends à quelque chose de beau. C'est ça. Top aussi, un jour, il avait misé sur un truc. Sur un cheval. Il devait toucher 50 et il a rien. Ouais, mais le pire, c'est qu'il y a un pote qui m'a cassé les couilles jusqu'à la fin du truc pour me dire ouais, mais t'inquiète, tu vas gagner. Mais oui, mais bien ouais, sûr. Tu vas voir. Et en fait, à la fin, en fait, c'est à dire que. Mais j'étais tellement dégoûté. Le problème de Top, c'est qu'il est pessimiste. Mais non, je suis pas pessimiste. Parce que je te dis depuis le début, ne jamais faire confiance à personne. Voilà, mais il est pas pessimiste. Mais il est pessimiste. Je suis pas pessimiste, j'aime bien les trucs qui se font, tu vois, naturellement. Si ça doit se faire, ça doit se faire. Comme une sodomie, quoi. Par exemple, ça doit se faire naturellement, tu vois. Bien lubrifié, bien préparé, hop, ça rentre tout seul, ça rentre de rien. Bon, on va prendre Lucie, pardon, on va prendre Kamel d'abord. Kamel, Dimitri dans 77, coupe ta radio, s'il te plaît. Ouais, bonjour Micha. Ah, salut Kamel, comment ça va? Ça va. Bon, on va prendre. On a un chanceux au standard avec nous, cool. Alors, rappelle-nous un petit peu, Kamel, puisqu'on parlait de ce que vous aviez déjà, misé de l'argent et ce que vous en avez gagné beaucoup ou perdu beaucoup. Ouais. Alors, c'était quoi chez toi, histoire? J'ai parti au travail, c'est-à-dire, j'ai fait une livraison à Lausanne, en Suisse. Ouais. Comme, je suis arrivé un peu tôt, mais bon, la livraison, c'était le lendemain matin. Alors, j'ai parti faire un tour. Il y avait un casino. Je suis rentré, et ben j'ai misé dans une machine à sous, 20€, j'ai gagné 12 000€. Mais c'était quel jeu? C'est la machine à sous. Ah ouais, d'accord. Mais les machines à sous, alors il paraît, les machines à sous qu'en fait il y a un espèce d'algorithme qui fait que, bon, je dis n'importe quoi comme chiffre, hein, genre tous les 200 fois où tu mets une pièce, dingue, ça tombe. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, c'est voilà. Ça. Donc en fait, ouais, il suffit que tu tombes sur le pigeon qui aura mis tout l'argent dans la machine, qui sera dit à un moment, bon allez, j'arrête parce que je me suis fait plumer. Toi, t'arrives derrière, tu mets une pièce, tu prends jackpot. En fait, la machine, elle a un ratio entre, c'est pas tous les 200 fois en fait. Non, mais j'ai dit des chiffres de merde. Non, mais c'est un ratio entre ce qu'elle rentre et ce qu'elle va rendre. Mais oui. C'est-à-dire qu'en gros, la machine, elle fait un calcul tout le temps en permanence en fonction de ce que t'as mis dedans et de ce qu'elle va te sortir. C'est normal, c'est pas l'abbé Pierre. Tu vois, le casino, c'est pas les bons samaritains. Oui, ils sont là pour gagner d'oseille. C'est clair qu'ils vont faire tomber les 10 000 quand ils en auront pris 20. Et c'est ça. Et donc, mais en fait, il y a des lois, il y a des règles là-dessus. Et genre, ils peuvent pas aller en dessous d'un certain ratio. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas, la machine peut pas gagner plus que autant d'argent sans en redistribuer. Ouais. Mais bon, voilà. Après, effectivement, il faut un peu de bol et puis tomber au moment où la machine, elle va cracher l'oseille, quoi. Mais ouais, ça, tu peux pas le savoir. Tu vois, tu peux. Si, après, t'as des mecs qui restent et qui regardent les machines. T'as des gens, moi, j'ai déjà vu des mecs dans les casinos, ils sont là, ils regardent les gens qui mettent les thunes. Et genre, tu les vois derrière, ils passent, ils mettent une pièce, t'as l'argent, t'as tout qui tombe, quoi. Ouais, mais après, ouais. Il faut savoir tous les combien de temps ça tombe. Ah, mais tu vois, c'est ça. Mais après, t'as des mecs qui font que ça, quoi. Regardez quand ça va tomber. Ouais. Tu me diras, ça peut rapporter, hein. Si tu fais ça pendant un an, tu deviens ouf pendant un an, mais après, ça te rapporte, bah, ça vaut le coup, mais il faut avoir. Ouais, on t'écoute, Kamel. Ah bah on t'écoute plus Kamel, ça a coupé. Bon bah merci Kamel, t'avais la radio à fond. Donc j'imagine que tu nous écoutes. Bah bonne route, puisque a priori j'ai cru comprendre que t'étais dans le camion, en tout cas au travail. Donc tu nous rappelles quand tu veux, en tout cas. Y'a Emeric aussi qui est avec nous à Arles, salut Emeric. Salut Mika. Ça va bien? Salut Emeric. Ça va. Bah tu sais, j'étais à Nice ce week-end et ça m'a fait marrer. Ça m'a fait bizarre en fait. Je sors de l'aéroport et là je vois Menton. J'ai directement pensé à Eric de Montfion. Oh, quelle horreur. Qui passe souvent à l'antenne. Et je me suis dit, ah, je vais peut-être faire le détour. Et bah non, je devais aller au côté, donc non. Je pense que je n'irai jamais dans cette ville de peur de me faire prendre. On sait jamais. Savoir que pour ceux qui connaissent pas l'émission, habituellement on est là de 1h à 4h. C'est Eric de Montfion, enfin qui a Eric de Menton à la base, qu'on appelle Eric de Montfion, puisque c'est un mec qui c'est l'ami c'est les routiers qui l'appellent comme ça. Voilà, c'est ça. Et donc bah il aime bien se faire prendre. En fait, il était marié pendant des années jusqu'au jour où il s'est fait griller par sa femme en train de se faire défourailler. Cette histoire est véridique. Ouais. En train de se faire défourailler alors qu'il avait des vêtements de sa propre femme par un mec en plein milieu du salon. Et donc du coup, c'est un peu foutu la misère. Et il faut rappeler qu'aujourd'hui, il cherche une gaine en cuir. Oui, exactement. Et que nous avons le plus grand mal à lui trouver. Hein. Oui, parce qu'il est un peu large, même s'il a perdu du poids, mais il est un peu large. C'est pour ça qu'on l'a demandé justement à des fabricants de bateaux s'ils peuvent nous donner deux voiles. On allait les coudre ensemble et lui faire une gaine exactement. À son sac. Exactement. Bon, Emeric, alors toi, tu nous appelais par rapport au jeu d'argent. Alors raconte un petit peu. T'as déjà perdu, t'as déjà gagné. Raconte un peu. Moi, je jouais jamais jusqu'à temps que je rencontre ma femme il y a 3 ans. Et soit t'as tellement chié avec elle que je suis obligé d'aller jouer. Soit l'alcool, soit le jeu, c'est ça. Ouais. Non, faut pas rigoler. En plus, elle vient de me plaquer. Je morfle là. Non. On pouvait pas savoir. Ah bah oui, on pouvait pas savoir. Mais ça, en même temps, fallait pas la jouer au poker. Hein. Bah. Ah ouais, c'est vrai. Mais moi, je joue pas. Bon, alors, raconte. T'as joué quoi? Eh ben du coup, le jour de la Saint-Valentin, elle s'arrête, elle aime bien les jeux à gratter. Elle s'arrête à acheter 2 cash, hein, et moi j'en prends un 100 euros, et sur le c'est 1000 euros. Ah ouais. Bon, ça va, c'est pas mal 100 euros quand même déjà, hein. Même si Lou t'avait mis. Ouais, le jour de la Saint-Valentin, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et c'est des trucs comme ça, ça existe, les pochettes surprises. Ouais. Tu t'offres ça comme cadeau quand t'as pas d'idée. Ouais. Mais franchement, moi j'offre ça, le mec il repart avec de l'oseille, je peux tirer la gueule grave. Ouais, mais enfin moi chaque fois que j'en ai offert, les gens ont gagné 20 balles, donc je me dis ça va. Oui, non mais quand c'est ça, c'est bien. Mais t'imagines, ils gagnent le jackpot? Genre un truc à 1 million ou même à 100 000. Franchement, parce que généralement, genre moi j'ai offert ça à mon père, ma soeur, tu vois, enfin ou des gens de ma famille, donc je m'en fous, s'ils les avaient gagnés, ça m'aurait fait plaisir pour eux. Ah, moi je serais énervé. Ah non, moi non. Non, je rigole. Non, c'est si j'achète ça parce que j'ai pas d'idée, j'offre ça à un mec, tu vois, genre je connais pas bien et que ouais, là ça me ferait chier. Là ouais. Mais si j'offre ça à mes parents, ça me gêne pas. T'imagines, t'offres ça. T'imagines, Polo, t'offres ça à Toff? Il se prend 100 000 là dans la gueule. Ouais, mais je le ferai pas. Et connard, et comme c'est un connard, il va pas te dire, allez, vas-y, tiens, je te donne mais la non, moitié. Non, parce que tu peux lui acheter un bouquin, un truc intéressant, un truc qui l'intéresse, ça va lui faire plaisir. Ah, 5 euros, c'est pas la peine de prendre des risques. Ouais, bah, tu vas pas acheter des petits bouts de papier. Mais c'est vrai, moi je suis un mec simple. Ah oui, mais bah, j'ai pas besoin de tout ça. Bah évidemment. Et même quand je veux faire plaisir à mes amis, bah le destin m'en empêche. Non, j'y peux rien. C'est ça. Eh, Brick. Ouais, dis-moi. Bon, et donc du coup, tu joues encore de temps en temps ou plus là? Non, moi je joue plus. Ah, t'as arrêté. Bon, tu me diras, parfois c'est mieux. Hein. Ouais, c'est vrai, parfois c'est beaucoup mieux. Bon, bah écoute, merci Emeric d'avoir appelé. Merci à vous les gars. Bon, bon courage avec ta meuf, hein. Enfin, sans ta meuf plutôt. Hein. Ouais, sans ma meuf plutôt. Bon, allez, ça roule, à bientôt Emeric. Ciao, ouais. Ciao à toi. Tiens, un message qui t'est arrivé, j'ai perdu plus de 600$ au blackjack dans un casino de Vegas. Oui, mais c'est le casino gagne toujours. Toujours. Seb de Quimper qui dit la chance, c'est comme une actrice X, ça tourne bien quand il y a du fric. 400€ pour le foot, j'ai gagné 200€ sur un ticket qui m'a coûté 1€. Putain, je la garde celle-là. Bien rentable. Ouais, vas-y. La chance, c'est comme une actrice X, voilà. Ça tourne bien quand il y a du fric. Voilà. Et il la note, hein. Bien sûr, je la note. Il va la ressortir comme ça dans un dîner mondain. Ah bah ouais. Et voilà, ça marchera très bien. Bon, retour avec Lucie dans un instant. On va se faire le chéri, je peux te faire cocu. Salut Lucie. Bonsoir. Comment ça va Lulu? Bah très bien, et vous? Bon, bah ça va super bien aussi Lucie, t'as 25 ans, t'appelles de Nancy. Et on va se faire le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes, d'accord? Ok, Xbox One a gagné, on va appeler ton mec, qui s'appelle comment? 25, mais t'appelles pas de Nancy là, Lucie là. C'est quoi cet accent? Non, je suis à Nancy. Ouais, mais c'est quoi cet accent? Je suis à Nancy, non, mais je me suis un peu perdu. Ah, il vient pas de Nancy, hein? Non, non, parce que j'étais dans le sud avant, voilà, du côté de Marseille. Ah, d'accord, voilà. Très bien. Ah, bah, ça doit te faire bizarre, hein, la météo à Nancy, oui, par rapport à Marseille, hein, ça, c'est beaucoup rare. Oh, c'est une belle ville, Nancy, c'est sympa. Oui, c'est très beau, mais il fait pas souvent beau, quoi, par rapport à Marseille, non, je veux dire. Non. Oui, ça, c'est sûr. Ah, bah, non, ça, c'est sûr. Bon, Lucie, reste avec nous, chérie, je peux te faire cocu dans un instant. On se met le Chainsmokers, je te reprends après, d'accord? Ok. Bon, bouge pas et on prendra Terence aussi par rapport au Paris dans quelques minutes. Tiens, allez, passez une bonne nuit. On est au cœur d'une heure sans pub. C'est Mickaël sur Énergie, minuit 3h pendant toute cette semaine. Et à partir du 18 juillet, pendant tout l'été, on sera là de 20h à minuit. Notez bien dans les agendas, hein, tous les soirs 20h minuit. Passez une bonne nuit, il y a Pink, Harry, Bob Sinclair et Drake. Il est 1h02, on va se faire le chéri, je peux te faire cocu, ça me paraît une belle heure. Parce que quel que soit l'horaire, on changera pas. Énergie. Mickaël est sur Énergie. De minuit à 3h. Bah oui, alors justement, je parlais du chéri, je peux te faire cocu, on va le faire dans un instant. Il y a d'abord un message qui dit salut l'équipe pour le fistage de Toff et Eric, ça avance, c'est Babar qui m'a envoyé le message. Ah bah alors non, on en est où au niveau de l'argent, Polo? Est-ce que tu peux réexpliquer l'histoire? Oui, bien entendu, parce que je suis là pour ça. Toff, tu me dis si je me trompe pas. Bien sûr, bien sûr. Et alors, ce n'est pas le fistage de Toff, c'est Eric de Montfion, le sus nommé qu'on a parlé tout à l'heure. Tout à fait, sus surtout d'ailleurs. Voilà, de 54 ans, qui cherche du sexe. Et donc j'ai proposé un truc, c'est que Toff est prêt à fister Eric de Montfion pendant 10 minutes. Pour 100 000 euros. Pour 100 000 euros. C'est et donc ça. On a fait une quête et on en est qu'à 1 000 euros. Ouais, donc, ouais, on est loin du compte, hein, quand voilà. même. C'est l'espèce de fistoton. Ouais. Et donc les auditeurs. C'est le cas de le dire, le fils Othon. Voilà, c'est ça. Ouais, ça c'est clair, il porte bien son nom aussi. Et donc les auditeurs proposent des petites, des sommes, petites ou grosses, hein. On a eu des 1000, des 500. Et, ouais. Et j'espère que tout le monde se souvient de mettre sur un bout de papier parce qu'après il faudra tout gérer. Ouais. Donc on a mis chacun une petite somme et on en est à peu près à 1000 euros. Bah on attend, voilà, on attend de voir mais venir, enfin, attention, hein, c'est pas genre, il n'y a pas une date butoir, hein, non, on attendra. Ça peut durer sur 10 ans même, voilà. Mais peut-être il va fister et pour... J'irai, je m'engage. Il s'engage. Putain, les mecs, il y a 100 000 qui arrivent là, je peux me marrer. Moi j'ai rien à foutre. Mon grand-père joue au loto toutes les semaines. Une seule fois, il ne l'a pas fait et ses numéros sont sortis. Il aurait pu gagner 200 000 francs. Ah ouais. T'as, moi j'ai mon parrain qui avait fait ça aussi. Il choisissait toujours les mêmes numéros. Et en fait, un soir, le loto sort. Il avait joué, hein. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les numéros étaient décalés de 1. Ah ça doit être le, ça donc doit en être fait le truc, il avait tous les bons numéros mais moins 1. Donc genre il est 1013, c'est genre le 12 qui est sorti, il est 1021, c'est le 20 qui est sorti. Donc tout était bon mais tout décalé, quoi. T'imagines ah, la ça, c'est putain chaud, ouais. De rage. C'est pour ça que quand je joue au loto ou à l'euro-million ou n'importe quoi, je ne choisis jamais les mêmes numéros. Je joue jamais, moi. Non mais quand moi je joue quand t'as des gros jackpots comme ça, tu vois. Mais je choisis jamais les mêmes numéros parce que si un jour j'oublie de jouer et que j'ai mes numéros qui sortent. Alors là, mec, t'as la rage, quoi. Tu dis putain, j'avais joué. Alors surtout à l'euro-million, c'est des dizaines de millions d'euros qui tombent. Mais le problème de ces trucs, c'est ça, c'est ah si j'avais, ah j'aurais dû jouer. Ouais, mais non, mec, faut. Bah ouais, je préfère être tranquille. Non, mais bon, après voilà, de temps en temps, comme ça, histoire de rigoler, pourquoi pas. On sait jamais, hein. Parfois, ça peut tomber, hein. C'est pas. Bon, Lucie est avec nous à Nancy. Ça va, Lulu, toujours là? Oui, toujours là. Bon, alors attends, je prends ma fiche là. Hop là, je rappelle qu'il y a une GoPro à gagner sur le Facebook de l'émission. N'oubliez pas, un tirage au sort jeudi. Vous pouvez sur MIKL officiel sur Facebook. Venez liker la page si c'est pas encore fait. Et la GoPro Hero 4 a gagné donc jeudi soir. Je suis assez sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Lucie, on va se faire le chéri, je peux faire cocu? Oui. Alors, je prends mes infos. On appellera dans un instant. Donc, comment s'appelle ton mec? Oui. Vincent, je rappelle que le principe c'est que tu vas l'appeler, tu vas lui dire que t'as rencontré un gars et que t'as envie de coucher avec ce gars juste un soir et qu'en gros bah t'appelles ton mec Vincent donc pour lui demander l'autorisation. Le but évidemment, d'accord, qu'il s'énerve. Il est d'où Vincent? Il est du sud aussi ou pas? Non, il est sur Paris. Il est sur Paris, d'accord, ok. Et il est nerveux? Oui, très nerveux. Il est jaloux? Oui, très jaloux. Parfait. Il fait quoi dans la vie? Alors là, il vient de finir ses études. Actuellement, il travaille avec son père, voilà. Donc, il travaille actuellement dans un monoprix, dans le rayon fruits et légumes. Monoprix. C'est chaud. Et il fait quoi comme études? Il a fait quoi comme études pour faire quoi? Il veut faire quoi après? Il veut faire carrossier peintre. Carrossier peintre. D'accord. Parfait. Est-ce qu'il a des complexes, des défauts physiques, des trucs qu'il aime pas chez lui? Il se trouve pas, voilà, physiquement, se mettre torse nu, des choses comme ça. Enfin bref, lui, je trouve pas, voilà. Donc, lui, il est complexé par rapport. Est-ce qu'il est un peu gras, il est un peu gros? Non, pas du tout, loin de là. Pourquoi? Il a des nibards? Non, pas du tout. Il est très beau, il est très bien comme il est, mais bon, il comprend pas que, il est bien dans son corps, mais lui, il ne l'accepte pas comme ça, donc, voilà. D'accord. Ouais, mais tu sais, parfois, t'as des mecs, comme des meufs d'ailleurs, hein, qui ont, voilà, qui se voilaient alors que ça va, tu vois, après, sûr, c'est pas, tu vois, c'est pas des mecs surmusclés, quoi. Mais il y en a qui le vivent mal, ouais, c'est vrai. Bon, enfin bon. Donc, et d'autres défauts physiques ou complexes, genre les oreilles décollées, les cheveux qui tombent, je sais pas. Non, pas tu. Là, il vient d'avoir un appareil dentaire sur les dents du bas. Il est très complexé par rapport à ça. Parfait. Oh, alors c'est parfait. Mais c'est une meuf ou quoi là? Le mec, c'est bon. T'as un lascar. T'en as rien à foutre d'avoir un appareil. Appareil dentaire. On s'en fout. Et oh là, attention. Mais c'est vrai. Attends. Du bas. Oui, parfait. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps? Là, ça va faire. Ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois. Vous habitez ensemble, non? Non, pas du tout. D'accord, ok. Donc lui chez lui, toi chez toi ou chez les parents? Oui, lui il est chez ses parents, lui. Moi je suis chez moi. D'accord, mon ok. Appartement. Et il a quel âge lui? Lui il a 21. 21, et toi? Ah, 25, toi? Putain, tu les aimes au berceau, hein? Et toi, tu fais quoi dans la vie? Alors moi là actuellement, je viens de finir mon contrat. Là j'attends pour travailler. Donc je viens d'avoir un entretien, j'attends une réponse pour commencer début août. Voilà. Dans quoi? Là, c'est pour faire les relevés de compteurs pour travailler chez Soiron pour les zoos. D'accord. Voilà. Très bien. Et eh ben parfait. relever les compteurs. En fait, c'est cool. Enfin, non, c'est automatique maintenant, ça se fait plus. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Non, non, il y en a. Non, non. C'était privé. Pour qui on relève les compteurs. D'accord. Ok. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Voilà. Parfait. Tu ressembles à quoi toi, du coup, Lucie? Bah que Toff entre en scène quand même. Mais Lucie, combien mesures-tu? C'est la famille. Oui. Moi, je ressemble à quoi? Ben, je fais 1m68, blonde. Combien? Combien tu pèses? Je fais 48, 49. Il faut manger maintenant. Mais non, c'est parfait. Quel est ton tour de poitrine? Et vous êtes sérieux là? Oui, très. C'est du 95 E. Quoi? Mais c'est pas les tiens, tu t'es fait aider. Non, pas du tout. Arrêtez là. C'est du naturel? Bah oui, je suis. 1m68 et 48 kilos, t'es à 95. Et la taille du dernier pantalon que t'as acheté, un 32? Oui, 32-34. Ah, c'est ça, 32, je savais. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Bah, faut que tu manges, ma chérie. Je me vois déjà jouer entre ces seins. Bonne! Qu'est-ce qu'elle est bonne! Qu'est-ce qu'elle est bonne! Qu'est-ce qu'elle est! Non, mais attends, mais. C'est quoi ces mensurations, Lucie? On peut avoir une photo? Mais non, mais c'est un truc de dingue! Et t'es blonde, c'est ça? Oui, blonde. Et les yeux? Bleu. Ok, très bien. Et alors, juste encore un détail. Est-ce que t'as des genre un piercing ou une tache de naissance? Non, ou, non. Revenons à tes seins. Comment ils sont? Je voulais juste savoir si t'as pas quelque chose qu'on ne voit pas que si t'es, par exemple, que je pourrais voir que si t'es en petite tenue, voire nu. Tes seins, tes gros seins. Peux chauffer un peu. J'ai un tatouage, j'ai une plume au niveau du sein gauche. Ah, une plume? Oh là là! Oh mon dieu! Oui. T'as une plume? Enfin, une plume, c'est-à-dire que c'est. C'est quoi? C'est un sac de pain là! Sein gauche, ok. 95 E, c'était le E comme énorme. Ah oui, des E comme endives. Ah ouais, non, pas du tout. Bon, ok, très bien. Bah écoute, j'ai toutes les infos là. Et en plus, c'est top. Dommage, Toff ne peut même pas encore se branler là. Alors, maintenant, non, encore un jour là. Ah, et demain soir. Hein. Ouais, bah oui. Obligé. Ah mais demain soir, obligé, faut que je trouve quelque chose. Oh, tu peux pas nous envoyer une photo là? Mais c'est bon. POLO, ouais, c'est ça. Je pensais que tu voulais une photo de ma première. Non, va te remettre. Mais tu fais ça, je te mets une patate. Donc Lucie, on va l'appeler dans un instant, Vincent. Donc, bon, je peux comprendre qu'il y a des mensurations pareilles, il est un peu jaloux. Hein. Surtout s'il se trouve pas beau gosse, il doit se dire que elle peut se barrer à tout moment. Donc forcément, il est un peu en stress. Donc ce qu'on va dire, c'est que je suis un des mecs qui a fait ton entretien là chez Soiron là. Oui. Je m'appelle Michel, Monsieur Michel. D'accord. Et que du coup, en gros, je t'ai proposé de coucher avec toi juste un soir pour faire avancer le dossier plus facilement, quoi. Tu vois. Et donc du coup, toi, tu dis, ça fait 8 mois qu'on est ensemble. Voilà, c'est juste un soir. Après, voilà, je rentre et on est ensemble. Il y a pas de problème, quoi. C'est juste un soir. Voilà. Donc faut le chauffer de cette manière-là, d'accord? D'accord, pas de souci. Bon, et bouge pas, Lucie. On va s'écouter Pink et je te reprends juste après, d'accord? Ok, pas de soucis. Enfin, je te reprends, on se comprend évidemment. Oui, oui. Au téléphone évidemment. Hein. Bon, bouge pas de là. Allez, Pink, on écoute ça maintenant au cœur d'une heure sans pub. I know that I'm running out of time. I want it all. And I'm wishing they stop trying to turn me off. I want it all. And I'm walking on a wire. Trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars. Even when I give it all away. I want it all. Cause they are all the same. See, I would rather we just go a different way than play the game. And no matter the weather, we can do it better. You and me together forever and ever. We don't have to worry about a thing. Just like fire, burning up the way, rocking like. could light the world up for just one day. Watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anyway. Just like il est 1h15, on est sur Énergie, vous bougez pas de là, on se met la pub en speed juste après, on récupère Lucie. Lucie, t'as 5 minutes encore, hein? Enfin, même pas 5 minutes, on se met la pub, il y en a pour 1 minute 30, je crois, je t'en prends juste après, d'accord? Okay. Allez, d'accord. bouge pas de là, 1h15, on est sur Énergie, 01 40 71 5000, il y a Bob Sinclair, Drake et Flume qui arrivent. Vous êtes auditeur d'Énergie. Et vous serez parmi les rares privilégiés à assister à la finale de l'Euro 2016. En plus, juste avant le match, vous rencontrerez David Guetta au calme à son hôtel. David Guetta! Dès que vous entendez le double hit Énergie, avec deux hits de David Guetta à la suite, soyez les premiers à appeler Énergie 3937. J'ai entendu le double hit! Et vous gagnez un événement dont vous vous souviendrez toute votre vie. La finale de l'Euro 2016. Pop, R&B, dance. Ici, c'est Énergie. Hey, salut, c'est Koé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu héros, non? Ouais, ça fait des jaloux, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Énergie présente Marvel Avengers Station, l'exposition. Retrouvez les super-héros Marvel, Iron Man, Thor, Captain America ou Hulk à travers une expérience interactive inédite. Marvel Avengers Station. L'exposition événement à Paris, actuellement sur l'esplanade de la Défense avec TF1. Un événement Énergie, Hit Music Only. Tous les jours, vous avez le sentiment que la rencontre qui changera votre vie n'arrivera jamais. Pour cesser de vous tourmenter, envoyez par SMS quand au 7212. Notre équipe se tient dès maintenant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions cruciales. Envoyez quand, QUAND, au 7212. Quand au 7212. 65 centimes plus prix du SMS, iEnergie. Pendant les vacances, on est là de minuit à 3h sur Énergie. Et sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L officiel. Et n'oubliez pas d'ailleurs qu'il y a évidemment la GoPro à gagner donc sur le Facebook de l'émission. On tirera au sort l'un d'entre vous jeudi à minuit et demi, enfin dans la nuit de jeudi à vendredi, minuit 30, tirage au sort comme on fait chaque semaine. GoPro à gagner donc cette semaine. Si vous voulez tenter votre chance, bah rencard donc sur Facebook, vous tapez M-I-K-L officiel. Je vous ai mis une belle photo avec moi et la GoPro, enfin la GoPro et moi. Ouais, on ne sait pas lequel est le plus magnifique. Ouais. Et bah vous allez voir donc facebook.com M-I-K-L officiel. Et puis on joue ensemble, hein. Bonne chance, je vous demande simplement avec qui, qu'est-ce que vous filmeriez avec cette GoPro. Vous mentionnez la personne, pote, famille, n'importe qui. Et puis bah tirage au sort donc jeudi. Adeline qui dit quel plaisir d'entendre Mickaël en sortant du travail. Ah bah c'est gentil Adeline, on est ravis de te voir également dans ta voiture ou chez toi, enfin bref, à la sortie de ton taf quoi. Et Aurore qui dit aussi comme Tof a besoin de fister après le ramadan, je donne 10 euros. Ah bah merci Aurore. Hop là. Quelle générosité. Pas, notez bien. Je rappelle que Tof fait le ramadan non pas parce qu'il est musulman mais juste pour voir, hein, pour, voilà, pour essayer pour quoi. Et donc ça finit demain le ramadan là, hein. Oui, enfin. Ah, il va pouvoir se branler. Manger c'est pas grave, mais se branler, ouais, c'est important. C'est très important. Très très important. Bon, avant d'écouter Bob Sinclair, on va récupérer Lucie pour faire le chéri je peux te faire cocu. T'es toujours là Lucie? Oui, toujours. Eh ben très bien. Alors Lucie, on y va donc, c'est parti. Chérie, je peux te faire cocu maintenant. Et du lourd, hein, puisque on va appeler ton mec qui s'appelle Vincent. Il a 21 ans, toi t'en as 25. Il habite à Paris, il bosse chez Monop pour l'instant, il vient de finir ses études. Il veut être carrossier, il a un petit problème physique. Enfin il aime pas son corps quoi, globalement c'est ça, hein. Voilà. Il a un appareil dentaire sur les dents du bas et ça le complexe énormément, je peux comprendre. Vous êtes ensemble depuis 8 mois, il habite chez ses parents. Toi t'habites chez toi, à Nancy. Tu viens de Marseille, t'as eu un rencard chez Soiron pour le taf. Et donc tu vas lui faire croire que bah le mec qui a fait ton entretien, c'est moi, donc Michel, et que bah je t'ai proposé que pour faire avancer ton dossier plus facilement, bah d'accord, on pourrait coucher ensemble. Mais je dis pour quand, par exemple. Ah bah ce soir, là, tu dis que t'es chez moi là actuellement et que bah en gros, bah moi j'attends la bite à l'air et que voilà, hein, j'attends qu'une seule chose. La bite à l'air. Ah bah oui, attends, faut le but c'est d'énerver. C'est que tu viens l'astiquer quoi. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, tu l'appelles juste parce que t'es pas une salope et que tu veux, voilà, tu veux être honnête. Mais avec autorisation. Exactement. Je rappelle au passage que ce qui a le plus marqué tout le monde dans cette équipe, c'est que tu fais 1m68, 48 kilos, 95 E et 32-34 de pantalon, c'est-à-dire petite taille, énorme boobs. Oh là là, et bah, le rêve des mecs de la terre entière. On se mettra deux pour la branlette espagnole. P-O-L-O, mais c'est dans le technique, hein, c'est juste parce que j'aime bien voir des belles choses. P-O-L-O, ouais, c'est ça, des choses, P-O-L-O, des belles choses. Atenergie.com. Toff, tu peux lui envoyer une photo de toi si tu veux. Bien sûr, je vais lui envoyer une photo de ma bite. Bon, allez, on y va. Donc, Lucie, on est à Nancy, on est chez moi à la maison. Enfin, quoi que, non, tu peux dire qu'on est chez toi, en fait, on s'en fout. Puisque, de toute façon, il habite où? Il est à Paris, lui? Oui, il est à Paris. Ouais, donc le temps qu'il fasse Paris-Nancy, on a le temps de vous revenir. Ok, nickel. Et vous voyez quand, du coup, en fait? Là, on se voit samedi. Ah d'accord. En même temps, avec les 5 là, il doit l'avoir de loin. Ouais, c'est pas faux, ouais. Bon, allez, on y va, on l'appelle. Bonne chance, c'est parti. On appelle Vincent, maintenant. Let's go, bonne chance. Nous, on est derrière, et enfin, moi, je suis derrière surtout, donc c'est Michel, n'oublie pas. Hein. D'accord. Allez, c'est parti. Et donc là, ils nous entendent plus. On va pouvoir tout commenter. Mais 95 coups, c'est du beau. Allô. Allô. Oui. Oui, mon cœur, c'est moi. Oui, c'est normal, tu me passes mon numéro privé. Bah oui, excuse-moi, mon téléphone tout à l'heure, je l'ai utilisé en appelant un privé pour appeler quelqu'un et puis au final, j'ai oublié de l'enlever, donc excuse-moi. Attends, Astro, tu m'appelles là. Bah oui, bah désolé, je sais que tu travailles tôt demain, mais voilà, c'était juste pour te demander quelque chose en fait. Qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, tu vois, la dernière fois, tu sais, quand j'ai eu mon entretien avec mon patron là, tu sais, pour travailler chez Soiron. Ouais. Voilà, en fait, moi et le patron, on a eu un petit coup de foudre, on va dire. Et en fait, non mais attends, j'ai pas fini, écoute-moi. Et en fait, le truc, c'est que là, je suis chez lui, toi. Bah, il est chez moi, plutôt. Ah, putain, ma gueule. Bah, non, je me fous pas de ta gueule. Mais attends, j'ai pas fini, écoute-moi. C'est pas non plus... Oui, bah, attends. Non, mais c'est juste, c'est un petit coup de foudre. Voilà, je veux dire, il y a rien, c'est juste, il est chez moi et tout. Il est en position, tu vois. Un petit peu, les matins. Non, bah, il faut pas peut-être spécialement... Moi, déjà, je voulais même pas pourquoi tu voulais l'appeler. Bah oui, non, mais je préfère lui demander, tu vois. Donc, en fait, là, je t'appelle pour te demander ton autorisation, si t'es d'accord que je couche avec lui, là, c'est le matin, là, tu vois. Donc, dépêche-toi, il faut que tu me dises oui ou pas, tu vois. Mmh. Me dire si t'es OK pour que, voilà. Mais évidemment, il sera d'accord. Après, c'est le travail, c'est important dans la vie, hein. Mais je te fais ta gueule, t'en es ta mère, t'es un ouf, toi. Non, mais laisse, en fait, c'est Michel, c'est le patron avec qui j'ai mis en entretien, d'accord. Mon alcoolique, là. Qu'est-ce qu'il dit alors? Il est d'accord ou pas alors le petit là? Oui, bah il est d'accord, oui. T'es d'accord mon cœur? Mais attends, cul et douche, d'accord de quoi? Bah oui, donne-moi ton autorisation là. Est-ce que je peux, coucher avec lui ou pas? Le matin, là, il va attraper froid. Bah, et passe-le-moi sinon là, je vais lui parler moi, t'inquiète. Mais qui nique sa mère, je suis un manager moi, je manage. Alors attends, passe. Non, mais voilà mon cœur. Bah, va nous chercher un petit verre à boire, tiens, tu viens au cul, tu fais quelque chose d'intéressant, tiens. Oh putain, nique ta mère la tête. Ouais, bah tu peux aller à la cuisine, prends ce que tu veux, hein. Dans ta gueule. Voilà. Bon. Non, mais reste sympa, c'est bon, il est sympa, tu vois. Il est sympa, bah oui, il est matin, là, tu vois, il va attraper froid. Il faut que je me dépêche, tu vois. Bon, je demande juste une autorisation. Bon, Lucie, bon, va chercher un verre à boire, là, et prends ce que tu veux, et je vais parler au petit, là. Attends, l'autre, il est 1h du matin, il va me casser les couilles. Allô? Ouais. Ouais, c'est Michel. Dis donc, un peu de respect, je suis le futur employeur de ta copine là. Je m'en bats le cou, futur employeur de quoi. Je m'appelle Michel. Mais je comprends pas pourquoi tu t'énerves. Enfin, moi, je lui propose un travail bien payé et en échange d'un petit arrangement et voilà. Un échange d'enfants dans ta gueule, ouais. Bah attends, en plus là, alors là, depuis que j'ai vu, parce que je suis fan de tatouage et de piercing. Alors depuis que j'ai vu ce tatouage là. Mais nique ta mère, fils de pute. Non mais c'est super sexy. Ferme ta gueule. Et alors, Bah oui, mais bon, écoute, moi je la vois, elle arrive là. Il est 1h du matin, tu viens péter les couilles. Non, mais c'est pas la question de l'heure, c'est juste que du coup je lui ai proposé, je lui ai dit voilà, bon, on a fait un entretien normal et après je lui ai dit à quel point vous êtes motivé. Bon, après je lui ai proposé, bon, bah il se fait qu'elle est chez moi, bah moi je savais pas qu'elle avait quelqu'un. T'es où? Bah, je suis où? Bon, on a un ancien ou quoi? Quelle adresse? Bah, tu veux. T'as de quoi noter? Mais tu vas arriver, t'es où là? T'es à Nancy aussi? Bah, non, je suis pas à Nancy, mais s'il faut, je prends la voiture. Mais t'es où? Je suis à Paris, mais s'il faut, je prends la voiture. Ah, ouais, non, mais d'ici là, mec, je vais pas dire que je suis précoce, mais je vais pas attendre 4 heures, hein. Je me bats les couilles, je te nique ta mère direct. Mais non, tu vas rien faire du tout, t'es sérieux ou quoi? Rien du tout. Mais parle-moi. Non, mais écoute, t'es un petit genou de 21 ans là, elle m'a dit. Donc, si tu veux, à un moment, tu vois, j'ai autre chose à faire que d'avoir un petit roquet. Moi, j'ai 30 ans. Moi, j'ai 30 ans, je suis manager. Tu m'écoutes, tu vois, moi, je travaille pas chez Monoprix, quoi, tu vois. Et j'ai pas un appareil dentaire, tu vois. Hein? Mais qu'est-ce que ça fait, ça? Moi, j'ai un travail. Ouais, bah, t'as un travail, c'est bien, bah, justement, tu vois, je lui offre un travail, t'es en train de gueuler, là. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu parles, toi, fille de pute, là? Ouais, mais donc, fais attention, hein. Calculatrice, va. Attention à quoi? Tu crois que je vais faire de toi? Ouais. Bah ouais. Je vais faire de toi. Je suis manager, moi. Moi, je suis manager. Mais là, t'es manager parce que je parle de toi. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Mais de toute façon, tu vas arriver, on aura déjà fini. Donc, je comprends pas pourquoi tu t'énerves. Hein. Mmh, d'accord. Par contre, attends une seconde. Ouais, bah, prends ce qu'il y a dans le frigo. Tu peux prendre. Il y a la bouteille de champagne, tu peux prendre. Il y a pas de problème, ouais. Et justement, une petite question. Comme tu es connu que moi et que j'ai droit qu'il y ait une seule fois, vu cette paire de seins incroyable, est-ce que la branlette espagnole elle aime bien ou pas? Ah, parce que moi j'adore, mais après, tu sais, j'ai peur de lui proposer. Non, mais elle aime bien ou elle aime pas? Que t'as jamais essayé? Mais faut pas que... Attends, que tu veux savoir. Non mais attends, elle a 95 E et t'as jamais essayé de faire une branlette espagnole? Mais t'es enculé, qu'est-ce que ça veut dire, fils de pute? Mais je veux savoir si elle aime bien ou si elle aime pas. Mais t'es enculé. Bah non, moi j'aimerais bien l'enculer par contre. Et ça l'aime bien ou l'aime pas? Prends ta gueule, ça va les couilles. Attention, propre, hein, avec capote et tout, moi je suis pas dans les gueules. Prends ta gueule, nique ta grand-mère la pute. Bah dis donc, un peu de respect quand même. Et tu voudrais pas non plus que je vienne te mettre une claque, non? Bah viens. Ouais, bah je vais pas venir parce que j'ai autre chose à faire d'abord, mais par contre je peux venir, mais après, hein. Ouais, bah que tu lâches, fils de pute. Ouais, et reste calme avant que je m'énerve. Tu vas t'énerver de quoi? Hein, tu vas d'abord m'enlever cet appareil dentaire là, et puis après tu pourras t'énerver. Mais je putain. Bah c'est rien, après t'auras les dents droites, hein. En attendant, tu ressembles à une calculatrice, c'est pas grave, hein. Ça arrive même au meilleur, hein. Tu sais, moi je suis né avec des dents toutes droites, tout ça, bon bah voilà, après tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et t'es où? T'es pas qui l'adresse? Bah je suis à Nancy. Merci. T'as de quoi noter? Ok, vas-y. Allô? Vas-y. Ouais, bah alors c'est le numéro 17. Mmh. Voilà. Alors, je t'appelle, hein, parce que c'est pas facile. Alors, c'est R. Vas-y. U. E. Voilà. T'as noté? Ah, vas-y. Ouais, très bien. Alors, alors, attends, parce que je viens d'emménager. Attends, merde. Ah, P. E. T. R. A I L U C. Ok. Donc tu veux le code? Tu veux le digicode? Digicode de quoi? Bah de la porte. Mais qui est con? Bah du coup j'arrive. Le mec qui habite à Paris, c'est un digicode. Il est complètement con. Non mais je te jure, le mec il a pas inventé l'eau. Tu vois, il a pas inventé l'eau. Tu m'as remis, tu m'as cassé les couilles, c'est pas tard. Bon, du coup je t'attends. Tu prends une petite bouteille de champagne au passage comme ça, parce qu'à mon avis on aura fini celle-là. Oui, ça a raison. Je vais te mettre un pont dans les gueules, fils de pute. Non, arrête de dire ça, tu vas rien faire. Bon, je te la repasse. Tu parles beaucoup, toi. Bah ouais, je parle beaucoup, moi je suis manager. Je suis manager. Ouais. D'ailleurs, si tu peux appeler monsieur Michel dorénavant, hein, ça serait bien. Oui, Michel. Alcoolique. Ouais. Je suis pas alcoolique, moi. Bon, ouais, je te la repasse, d'accord? Vas-y, bah écoute, ta mère. Tiens, Lucie! Tiens, voilà, je te le repasse. Ouais, c'est bon, hein, pas de problème, il est d'accord. D'accord de quoi, moi? Ouais, y a pas de souci. Ben, il est d'accord, mais par contre, voilà, c'est juste un soir, mais de toute façon, ça, c'est fini. Donc, en échange, je te file le taf, et puis voilà. En plus, c'est bien, il vient te chercher. Voilà, je lui ai donné l'adresse, et bah, il est le temps de faire Paris-Nancy, donc, faut compter 3 bonnes heures, hein. 3h30 même. Donc du coup voilà, bah il va venir et puis voilà. Bon, nous ça nous laisse 3 heures devant nous, hein, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà. Non, vraiment c'est un gentil, hein. Bah tu vois que c'est un petit jeune, voilà. Bon, il sait pas très bien encore. Oui, bah, il sort de l'école. Bah oui, bah qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein. Tu sais, en même temps, mec, avec un kaki dentaire, ça peut pas non plus. Oh, voilà. Kaki parle des bons, ouais. Bon, je te le remplace, Allô, mon cœur. Quoi, qu'est-ce que t'as, toi? Eh, hey, oui, Lucie, bon. Hey, tu préfères les capotes goût fraise ou. Attends, mais je fraise, d'accord. Oh, ça va être bon. Bon, bah, c'est bon, alors c'est ok. Enfin, ta gueule. De toute manière, on se voit samedi, d'accord? D'accord. Bon, bah, repose-toi bien et prends soin de toi. Et puis, merci. Hein. Merci. Eh, qu'est-ce qui se passe? Il s'en transforme en Dark Vador ou quoi? Tu fais quoi, là? Je suis ton père. Mon cœur, tu fais quoi, là? Bah, il respire, là, visiblement. Allô? Bon, bah, vas-y, ben... Quoi? Vincent? Quoi? Eh hey. T'es en direct sur Énergie. T'es le chéri, tu peux te faire cocu, ça va, du calme. Mais non. Mais si, t'es à la radio, c'était le chéri, je peux te faire cocu. Quelle était la probabilité que ta meuf t'appelle pour te tromper? Enfin, pour avoir ton autorisation quand même, hein. Non, tu tournes avec elle. Mais non, t'es à la radio, bah vas-y, mais là, c'est 100.3 à Paris, Vincent. Voilà. Il y a qui là de l'équipe? Eh bah, il y a Toff, il y a Polo, il y a Valentin le standard. Mais la radio, c'est 100.3, tu vas t'entendre. Bah, dédicace à tout le monde, hein. Eh bah, salut, Vincent, hein. Bon, hey, Vincent. Ouais, je suis mort, les mecs, là. Ouais, ça envoie, ouais. Mais, par contre, je peux comprendre que tu sois un peu énervé, hein, parce que, 95, 48 kilos à 1m68, c'est-à-dire que Toff, il a déjà démonté la table, là. La table s'est levée de 20 centimètres. Ah bah, attendez, les gars, ça fait un mois, là. Ouais, ça, les mecs, tranquille, ça fait qu'un mois, on reste tranquille. De quoi, qu'est-ce qui, ça fait un mois? Non, j'ai dit, c'est qu'un mois, ça reste tranquille. Ah, c'est que à toi, je crois que ça veut dire c'est que un mois. Ouais, c'est que à toi, oui, c'est ça. Ouais, mais franchement, Vincent, je trouve que tu pourrais, parce que tu vois, c'est comme ça. C'est ça, l'être humain, c'est le partage. Non, je partage pas. Oh, c'est juste des libards, oh là là. Bon, allez, je te l'échange un soir contre une Xbox One. Je suis dit. Allez, une Xbox One, c'est bien. Allez, mon cœur, ça gagne une Xbox One. Bon, je te file l'Xbox One et Lucie, on la garde pendant un soir. Ouais, non, et Toff s'engage pendant un an à venir faire le ménage en soubrette chez toi. Non. C'est ma copine, point. Bon, allez, vas-y, putain, quel radin alors. Bien, je peux pas partager, excuse-moi. Putain, quel radin alors, putain. Ah, je suis déçu. J'ai du mal à la fois. Ah oui, bah ça, j'imagine. Oui, bah j'imagine bien, ouais. Bon. Ouais. Bon, Lucie, bon, on va quand même vous filer la Xbox One, du coup, hein. Moi, que tu veuilles autre chose, Lucie, il y a d'autres cadeaux, si tu veux, hein. Il y a Xbox One. Il y a quoi, Valentine? Merde, j'ai oublié. Allez, dans mes fiches, mon dieu, mes papiers, où sont mes papiers? Alors, il y a quoi? Il y a Xbox One, il y a une GoPro, une Xbox One et les Fitbit bracelets. Ah oui, les bracelets pour le sport, là. Tu veux quelque chose en particulier? J'aimerais bien mettre une Fitbit dans la tête de Toff. Non, oui. On peut. Sa face de chou. Ah non, pas cette semaine, on l'a pas, non. Eh, je peux l'acheter, si je peux toucher à tes seins, je veux bien l'acheter de mes propres deniers, la petite. Non, mais Xbox One, c'est très bien, Xbox One. Et les mecs, c'est de ouf. Bah oui, bah écoute, attends, Vincent, on est des mecs, hein, tu sais, on voit une meuf qui est bien roulée. Et nous regarde, hein. Tu sais, moi, il suffit d'un poil, hein. Bah voilà, c'est ça. Non, et puis on a des yeux, c'est fait pour regarder. C'est fait pour regarder. C'est clair. Bon, bah voilà, moi, je serais fier que plein de mecs regardent ma meuf. Tu vois, parce que ça veut dire qu'elle est bien, normal. Moi, je suis fier, tu vois. Bah oui, voilà, donc, normal. Bon, bah t'as raison, Vincent. Bon, bah Lucie, vous irez avec Valentine et au standard. Ouais. Et puis, Vincent, pareil. D'accord? Est-ce que je peux faire une petite dédicace? Bon, bah, va te coucher, Vincent. Et bonne nuit, hein. Oh, le Vincent, ça... Bah oui, il va dormir. Bah, c'est pas grave, on prend les coordonnées de Lucie, y'a pas de soucis. Salut Vincent! Salut mec. Allez, ciao. Je peux faire une petite dédicace? Allez, vas-y Lucie, vas-y. Bon bah, moi je fais une petite dédicace à tous mes potes qui m'écoutent ce soir, Mathis, Jérémy, Joris, enfin bref, tous mes potes. Prends les noms bizarres. Ainsi que tous mes autres potes qui m'écoutent tous ce soir. Merci. Eh ben, très bien, pas de problème. Merci à vous, vous êtes super. C'est gentil. Oublie pas la photo de tes boobs. polo@energie. Ouais, c'est ça. Non, mais faut dire. Comme je me fais gorger. Bah oui, mais c'est ça. Non, mais Lucie, tu peux envoyer Abby aussi, t'inquiète pas. Hein. C'est juste par curiosité, t'inquiète pas. Promis, je la montrerai pas à Toff de manière à ce qu'il ne salisse pas la photo. Oh bah non. Voilà. Bon, je t'embrasse. Gros bisous, Lucie. Merci, bisous. À bientôt. Ciao. Bye bye. Et on en refait un autre. Pas la semaine prochaine, on sera en congé, mais la semaine d'après. Si vous voulez vous inscrire au chéri, je peux te faire cocu. Bah, 01 40 71 5000. Il y a les appels mal intentionnés qui vont arriver dans quelques minutes. On va également récupérer Denis par rapport à l'amour par téléphone, puisque c'est le thème des appels mal intentionnés aussi. Et on va parler aussi d'argent, si vous avez déjà gagné à des jeux à gratter ou au casino par exemple, appelez-nous aussi, on en parle. 01 40 71 5000, bonne nuit tout le monde. Énergie, passez une bonne nuit tout le monde. On est au cœur d'une heure sans pub, il est 1h36 du matin. Et puis on va se faire les appels mal intentionnés maintenant là. On est parti. Ah bah on est au taquet. Pourquoi le jingle il marche pas? C'est encore une fois la faute de Toff ça. Bah voilà. 3h. On s'installe tranquille sur Énergie. Bah oui, on est là tranquillement justement. Aurore qui dit tu ressembles à une calculatrice, tu m'as fait rêver. Ouais, mais c'est la vanne des écoles, tu sais voilà, quand t'es jeune, t'as l'appareil dentaire, tu te dis ah, la calculatrice. Calculatrice. Voilà. C'est dommage, il a pas percuté, c'est dommage. Bonsoir, à une époque je jouais au loto un jour sûr d'avoir tous les bons numéros. Moi et ma chance, impossible de retomber sur le ticket, du coup, j'ai arrêté les jeux. Pantalon passé à la machine à laver, ticket pété, etc. Peut-être, ouais. Ouais, le pire, c'est ça, hein, c'est quand t'es sûr d'avoir les bons numéros que tu sais plus ce que t'as foutu du ticket. C'est une horreur. Alors là, mec, c'est la galère totale. Denis et Antoine, dans quelques minutes, on va parler donc d'amour par téléphone, puisque justement, Karine Lemarchand a encore fait une révélation sur sa vie sexuelle. Elle a reconnu avoir déjà fait l'amour par téléphone. Donc, Toff, tu vas voir avec tes amis s'ils l'ont déjà fait. On t'entend mal. Bah oui, allons-y. Ah, voilà. Grâce au numéro que vous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Toff, donc continuez d'ailleurs au passage, toph@energie.com. C'est parti, on y va, 1h37 du matin, on appelle. Et ce soir, c'est le jeu du partons pas fâché qu'on fera aussi. Je vous expliquerai après comment ça marche. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Allô ? Oui, allô ? Oui. Oui ? Vous m'entendez ? Bah oui, c'est qui ? C'est Toff. Et je voulais savoir si vous avez déjà fait l'amour par téléphone. Et vas-y, ferme ta gueule, toi t'es qui ? Je m'appelle Toff. Ferme ta gueule. Bah... Ferme ta gueule, ma parole, toi tu fermes ta gueule. Mais non, dites pas des choses comme ça, enfin ça se fait pas. Mais ferme ta gueule. Mais non, ça se dit pas des choses comme ça. Allez, répondez à ma question. Ferme ta gueule, ma parole, tu fermes ta gueule, toi. Bah oui, mais ça répondra pas à la question, même si je ferme ma gueule. Mais c'est bien, vas-y, ferme ta gueule. Non, allez, on arrête de dire des choses comme ça. Hein ? Quoi ? Non, tu as quel âge ? De quoi j'ai quel âge ? Mais maille-toi ton cul, fils de pute ! Non, mais on parle pas comme ça à cet âge-là, enfin, quand quelqu'un appelle. On lui répond poliment. Allô ? Oui, allô ? Oui ? Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre fils, il est un peu énervé. Oui, oui, mais... Oui, un peu énervé, oui. Oui, parce qu'en fait, je voulais savoir si vous aviez déjà fait l'amour par téléphone, monsieur. C'est dommage, c'est dommage. Ah oui, merde. Bon. Bah tu embrasseras ton fils pour moi, parce qu'il est très charmant. C'est sympa. Bon, allez, une bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Et ben voilà, il est charmant, hein. Ah bah le fils était... Ah le fils est... C'est pas une fille. Ou la fille peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, elle était... Avec le père derrière, c'est bien. Bon, on rappelle à l'autre du coup, hein. Bah oui. Allez, c'est parti, grâce au numéro comme d'hab que vous envoyez sur toph@energie.com. On y retourne. Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous avez déjà fait l'amour par téléphone. Comment ? Est-ce que vous avez déjà fait l'amour par téléphone ? Ah, arrêtez de vous foutre de ma gueule, là. Vous voulez que je vous passe mon mari ? Bah non, je voudrais juste vous répondre à ma question. Ah, mais vous êtes cinglé, au revoir. Mais non, madame, allô ? Elle a un peu raison, hein, vous êtes cinglé, au revoir. Oh non. Bon, on va la rappeler, attends une seconde. Hein. Voilà. Oui, allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Tu vas fermer ta gueule, toi, tu fais le malin ? Qu'est-ce que tu dis à ma femme, là ? Ben, en fait, je voulais savoir si vous avez déjà fait l'amour par téléphone, monsieur. Va te faire foutre, sale fils de pute. Oh non, monsieur, non, ça se dit pas des choses comme ça. Enfin, c'est très vulgaire, attends, monsieur. Attends un petit peu, je vais retracer ton numéro. Tu vas voir, pauvre con. Ben, non, monsieur, allez, répondez à la question. Ferme ta gueule, maintenant ! Non, monsieur, calmez-vous, enfin. Va te faire foutre, sale fils de pute. Non, monsieur, ça se dit pas des choses comme ça. Allez, répondez à ma question. Il a raccroché. Ah, c'est dommage, on était bien. Ah, il a pris un peu l'air crédible. On rappelle. Qu'est-ce qu'ils sont vulgaires. Oui, bonjour, bien sur la message. Oh non. Oh, il avait l'air cool. Ah oui, je suis déçu. Ouais, moi aussi, merde. Oh bah tant pis, hein. Bon bah on recommence dans moins d'une heure. Si vous avez notre numéro de téléphone à envoyer, toph@energie.com. Bah puisqu'on en parlait justement de l'amour par téléphone, est-ce que vous avez déjà essayé? Tiens, 01 40 71 5000, vous nous appelez. Et puis par SMS aussi, Mickaël et votre message au 612. On a Denis qui est avec nous maintenant dans le 86. Salut Denis. Salut l'équipe, salut la famille. Comment ça va? Bah ça va et vous? Bah oui ça va bien ouais. Pour l'autre t'as déjà fait toi par téléphone ou pas? Non parce que j'ai pas d'intérêt. Moi c'est moi je suis une bête. C'est charnel, non mais c'est bête. Ça a aucun intérêt. Oui allô. Oui touche moi. Oui. Oui je sens que je suis caressé. Non il faut que ce soit physique sinon ça a aucun intérêt. Ouais. Bah oui. Bah non je suis d'accord. Le sexe c'est physique. C'est bon, la bite. Et là, Denis alors du coup. Ça... Bah moi du coup j'ai fait une fois. Pour l'expérience quoi. Pour l'expérience. Mais l'expérience. Ouais. Et c'était, ouais, c'était une bonne expérience ou pas? Ouais, c'est assez bien, mais moi je préfère aussi le physique, moi aussi. Oui, bah globalement, je pense que tous ceux qui pratiquent par téléphone préfèrent le physique. S'ils le font par téléphone, ouais, c'est soit parce qu'ils sont trop loin l'un de l'autre, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'ils peuvent pas. Moi, c'est avec mon ex. C'est avec mon ex. Alors, vu qu'il y a j'avais une heure de route et tout, on se voyait que le week-end, des fois. Souvent, bah franchement, alors, pour une heure de route, moi je fais la route. Hein. Si elle est bonne. Oui, ah bah ouais, forcément, mais en même temps, si tu sors avec, c'est que même deux heures, plaît, moi, hein. Même deux heures, même à pied, je marche deux même heures. Même si tu dois aller à Sydney, Paulo, il part demain. Ah, mais ouais, s'il y a une meuf là qui me dit, ouais, tu vois, je t'ai vu et tout, j'y vais tout de suite. Ah je oui, fais oui, l'aller-retour. Bah, bien sûr, mais évidemment, bah voilà, c'est ça en fait qu'il va faire. Non, mais, et donc, et quoi, la meuf, comment ça se fait que c'est une ex? C'est une ex aujourd'hui? Oui, c'est une ex aujourd'hui. Et pourquoi? Bah, parce qu'on s'engueulait trop beaucoup, et puis bon. Ah, putain, vous voyez une fois par semaine et vous arrivez à combien de temps de vous engueuler, c'est bon ça? Une fois par semaine, ouais, c'est violent quand même. Bah, j'allais la voir tous les week-ends chez elle. Ouais, bah c'est ça. Tous les ouais, week-ends chez elle et. Toff, il a raison pour une fois. Pourquoi au lieu de discuter, pourquoi tu la baisses pas? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux discuter? Et même si elle veut s'embrouiller, direct tu la baisses, comme ça elle a pas le temps quoi. Oh voilà. Putain, Toff, mais c'est pas possible. Non, mais pour une fois, il a raison. Oui, ça sert à rien de s'embrouiller. C'est ça, et n'importe quoi. Bon, bref. Faites l'amour, pas la guerre, c'est pas de moi. Ouais, c'est ça, bah, ça c'est ouais, sûr. Ouais. Bon, et donc du coup, par téléphone, donc tu le faisais, et c'était bien, tu kiffais ou pas? Oh, ouais, mais sans plus, quoi. Ouais. Sans plus. D'accord. Bon, bah, appelez-nous, les garçons et les filles, si vous avez déjà testé justement l'amour par téléphone, 01 40 71 5000. Voilà. Bon, bah, écoute, merci Denis d'avoir appelé. Ben, de rien. Et tu rappelles quand tu veux, à bientôt? Ouais, oui, je rappellerai, y a pas de souci. Bon, j'espère. Salut à toi, Denis. Ciao à toi. Il y aura Antoine dans un instant à Épinal. Salut, Antoine. Salut tout le monde, salut. Comment ça va? Salut. Ah, bah, ça va, c'est les vacances. Ah, bah, profite bien, Antoine. Ça y est, tu pars quelque part ou pas cet été? Bah, normalement, ouais, je devais partir, mais j'ai trouvé un contrat pour un job d'été, donc c'est mort. Et tu devais partir où? Bah, normalement, je vais passer deux semaines en Guadeloupe. Ah merde, putain. Ah oui, ça c'est con. Ça c'est très dommage, oui. Ah oui, là c'est vraiment bah, pas de chance. Et tu vas travailler où? Bah, j'ai travaillé dans un truc pour cueillir des fruits un petit peu pendant les vacances, quoi. Ah oui, bon, après, il faut voir le côté positif. À la place de dépenser de l'argent en vacances, tu vas en gagner en ne partant pas. Donc finalement, c'est bien. Voilà. Maintenant, tu peux pas tout gagner. Ouais, maintenant, deux semaines en Guadeloupe. Encore, tu m'aurais dit, je pars à Berck. Bon, tu te dis, bon, c'est pas grave, tu vas cueillir des fruits, c'est bien. Mais à Guadeloupe, ouais, la Guadeloupe, c'est con, ouais. Bon, bah, prochaine fois, Antoine, c'est pas grave. Bon. L'année prochaine, ouais. Ben oui, voilà. On va parler d'oseille dans un instant. Ouais. Très bien, bouge pas de là. Je vous demandais si vous avez déjà gagné aussi au jeu de loterie, au jeu à gratter, au loto, au casino. Est-ce que vous avez déjà beaucoup gagné ou beaucoup perdu? Eh ben, on en parle. 01 40 71 5000. Appelez-nous. On en parle juste après le son de Drake qu'on écoute tout de suite sur Énergie. Baby, I like you so. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Allez, 1h47, on est sur Énergie, on va se faire le jeu du partons pas fâché dans quelques minutes sur Énergie. On change d'horaire. Alors suis-nous de minuit à 3h. Mickaël. Et sur Énergie. Bah oui, on est là. D'ailleurs, je rappelle, minuit 3h toute cette semaine. Et semaine prochaine vacances. Et puis on sera de retour à partir du 18 juillet en direct de 20h à minuit pendant tout l'été. Donc si vous voulez délirer avec nous, on sera là, faudra nous appeler, même numéro que d'habitude, 01 40 71 5000. On va se faire également le jeu du partons pas fâché. Le principe est très simple, vous choisissez de jouer soit contre moi, soit contre Toff, Valentine ou même Polo. Le but donc, on appelle chacun notre tour. Donc si vous choisissez par exemple Polo, il appellera et vous appellerez ensuite quelqu'un au hasard et il faudra faire il faut avoir une conversation de rupture en et le principe c'est de rester avec cette personne qu'on ne connaît pas évidemment le plus longtemps possible. Celui qui arrive à tenir le plus longtemps gagne. Voilà, vous voulez jouer avec nous, vous faites le 01 40 71 5000, c'est le numéro du standard où vous appelez, vous envoyez par exemple un message Mickaël espace fâché et votre numéro de téléphone au 6 11 12, on vous rappelle. Moi j'ai gagné 10 000 euros au jeu à gratter, c'était Steve du 39. Bonsoir à toute l'équipe d'énergie, je vous fais des gros bisous, c'est Marvin. Merci Marvin, gros bisous à toi également et tous vos messages en direct hein, n'oubliez pas, vous tapez M-I-K-L officiel sur Facebook, Twitter et sur Instagram. Il y a Antoine qui est avec nous maintenant à Épinal. Salut Antoine. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, bienvenue à toi Antoine. Alors, raconte, on parlait des jeux d'argent, t'as déjà beaucoup gagné, beaucoup perdu? En fait, j'ai testé une fois et puis c'était la première fois de la chance quoi. Ouais, c'est-à-dire? C'est-à-dire que voilà, au moment où il y avait l'euro au tout début. Cette année là? Quand il y avait l'euro au tout début. Ouais. Les ouvertures de l'euro, il y avait la Française des Jeux qui avait fait 24 tirages ma million. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et j'avais dit à ma mère, viens, on essaye. Mais moi, vu que j'avais que 16 ans, j'ai pas pu y aller, quoi. Quoi, t'avais gagné un million? Non. C'est-à-dire que j'ai envoyé ma mère à aller chercher le bulletin, quoi. Ouais. Et le soir-là, on était pressés de regarder le tirage, quoi. Mmh. Et puis, le tirage, il commence. Je commence à avoir deux numéros déjà, les deux premiers. Ouais. Un troisième, et puis les autres, je les avais pas, et numéro chance, j'en avais un. D'accord, et quoi, du coup, tu gagnes quelque chose avec ça? Ouais. Tu gagnes combien? Donc, après, j'avais été voir le simulateur sur l'application, et il y avait plus de 320 euros. Ah ouais, sympa! Nickel, 320 euros, ça va, c'est cool? Ouais, c'est bien. Tu m'étonnes, et du coup, maman, t'es contente? Elle t'a. Oui, on a partagé, hein. Tu m'étonnes. C'est clair, t'as bien raison. Bon, ça va. 300 balles, c'est bien. C'est rare, quand même. Les My Million, tout ça, les lotos, etc. On a beau dire, y a beaucoup d'argent à gagner. Mais globalement, sur les centaines de milliers, voire les millions de personnes qui jouent, il n'y a quand même que très peu qui gagnent. Le plus chiant à l'euro million, c'est quand même quand t'as tous les bons numéros, mais que t'es 5 à l'avoir, quoi. Ah, et qu'en fait, tu partages en 5 la somme, quoi. C'est clair. Alors, quand il y a que, ça démarre combien? combien, je crois que ça démarre 12 millions, 15 millions le premier. Ouais, 15 millions d'euros. Non mais 15 millions c'est bien. Mais quand tu sais que tu peux, tu sais, voilà, genre divisé par 5, alors ça reste une grosse somme bien sûr, mais c'est juste le principe de râler quand t'as celui d'avant qui vient de prendre les 120 millions tout seul. Ah, lui tout seul, ouais, c'est ça. Lui tout seul, toi, et toi tu partages tes 15 millions avec les autres. Donc bon, même si voilà, globalement c'est déjà une belle somme, hein, cela dit. Bon, merci Antoine d'avoir appelé. Bah, de rien, merci. Et tu reviens quand tu veux, évidemment, il y a pas de problème. Salut à toi, à bientôt Antoine. Oui. Ciao, bye bye. Il y a Mehdi qui est avec nous maintenant dans 95. Salut Mehdi. Salut à tous. Comment ça va? Ça va et vous? Bah oui, ça va bien. Vous aussi, Mehdi. T'es coiffeur, Mehdi? Pourquoi? Il a une voix de coiffeur. Ah bon? Ouais. Non, pas spécialement. Ah, tu fais quoi dans la vie, Mehdi? Bah j'aurais pu, bah je suis cuisinier. C'est en Paris. Cuisinier? Ah d'accord, oui. Ok, très bien. Cuisine dans quoi? Cuisine. En fait, je travaille pour des personnes handicapées. D'accord, ok. Ça, c'est bien, ah, bah, ça. C'est bien, c'est bien. Bon, et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Mehdi? Bah en fait moi c'est un peu la galère parce que du coup j'essaie de rencontrer des hommes parce que je suis homosexuel. D'accord. mais le seul truc c'est qu'à chaque fois ça correspond jamais parce que du coup en fait bon je suis un peu bourbonné, j'ai des kilos en trop, bon parti par là, et du coup à chaque fois j'ai l'impression de jamais plaire au bon moment, quoi. Ouais, mais et tu vas plaire à quelqu'un à un moment ou à l'autre, c'est juste qu'il faut tomber dessus, hein. Non mais c'est vrai, hein. Ouais. C'est dommage, après t'es sur Paris parce que sinon on aura appelé Eric de Montfion. Là, Ah bah oui, là il aurait pu te. Ah, il aurait tout de suite on aurait trouvé quelqu'un. Attendez les gars, vous allez loin là. Montfion, c'est du sale. Hein. Bah, lui il veut pas faire du sale, il veut trouver un mec pour faire sa vie là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as pas envie d'un mec pour coucher, toi, tu veux vraiment un mec, une vraie relation. Non, et Montfion, c'est du sale. Hein. Ouais, c'est du sale. Ouais, mais bon, le souci c'est que j'ai l'impression qu'en fait, les mecs en général, c'est juste pour du sexe, quoi. Et bon. Et c'est vrai que bon, c'est pas spécialement ce que je recherche non plus. Tu cherches quoi, toi? En fait, je cherche une relation sérieuse, quoi. Je cherche quelqu'un pour pouvoir me poser avec lui. Mais bon, à chaque fois, c'est souvent, ça me correspond pas parce que t'as trop de kilos. Ça, c'est parce que tu tombes sur des gogoles. C'est-à-dire qu'il y a un moment, non, mais c'est vrai. Si tu tombes sur un mec, enfin, tu vois, si tu commences à sortir avec un mec ou avec une meuf, hein, peu importe, et que l'excuse, c'est, non, écoute, finalement, tu me corresponds pas parce que t'as trop de kilos. Genre c'est que le mec est un connard, soit qu'il voulait juste sauter et après il voulait dégager et voilà. Mais je veux dire, tu vires pas quelqu'un que t'apprécies ou que t'aimes bien ou que dont t'es amoureux parce qu'il ou elle a trop peu ou trop de kilos. Enfin, tu vois, c'est un peu. Finalement, j'ai réfléchi et t'as les oreilles trop décollées. Oui, bon. Mais t'as pas une. Tu vois. T'as pas un truc là comme Tinder pour mais si t'as Grindr. Et va sur Grindr et t'encueille et t'enquille, quoi. Ouais, tu peux aller sur Grindr. Tu au bout d'un moment, il y en a bien qui va accepter, quoi. Et tu fais comme Paul Oldi, hein, mentez-leur, elles adorent en l'occurrence, ils adorent qu'on leur mente. C'est des femmes, hein. Tu mets une photo de Toff et tu dis que c'est toi. Oui, et le jour où vous rencontrez, tu dis voilà, j'ai pris quelques kilos, j'ai pas eu le temps de changer ma photo de profil. C'est ça. Non, mais tu t'arranges. Moi, on a un pote, un gros comme ça, un pote à nous, hein, David. Ouais. Je le salue s'il nous écoute. En fait, il a plein d'applis pour se refaire le visage. Ah oui, vrai, ouais. Le mec, il est tout fin. Sauf que toi, tu l'enfumes, le mec, tu mets cette photo un peu beau gosse. Et si le mec dit ah, mais c'est pas, tu vois, mais j'ai eu des problèmes avec le taf et tout, donc j'ai pris quelques kilos, mais je vais les perdre, quoi. Et puis si tu kiffes, je pense que tu vas le faire. Ouais, et c'est si vrai. Tu kiffes, voilà. Mente, c'est important dans la vie. Attention, je dis pas qu'il faut mentir n'importe comment. Si tu veux quelque chose, il faut te donner les moyens. Et mens-lui, peut-être que tu l'auras. Et puis après, je t'ai dit, tu l'enfumes pour essayer d'arranger la vérité, quoi. Il y a qu'au buzz énergie que Polo a pas osé mentir, Morgane. Il a promis Morgane, mais non. Un thé ou un café tous les jours, et effectivement, chaque fois qu'il le voit, il lui paye. Ouais. Et bah oui, une parole, on s'était une dit parole ça. Est une parole. Une parole, j'ai dit un truc, je le fais. Exactement, ouais. Jusqu'à ce que Polo se fasse virer, c'est comme ça que ça se passe, ça marchera. Je pense qu'on sera tous dans la charrette, hein. Ça, on sera dans la même. Il faut ça, parce qu'il faut savoir que Polo n'a jamais démissionné, je crois, si. Non, j'ai jamais démissionné. Toujours été viré. Toujours viré, mes contrats s'achevaient. Mais en usage, j'étais viré, très régulièrement. Souvent viré, Mais c'est bien aussi. Et attention. Toujours sans raison. Sans raison, et j'étais jamais responsable. C'est toujours des tierces personnes qui faisaient de la merde, et j'étais pris dans la tourmente des égomages. C'est comme un ouragan qui passe. Non, c'est encore mieux, c'est comme les chiottes. Ouais. C'est quand tu chasses. tout part comme ça dans un espèce de tourment et un tout. Un tourbillon, quoi. Un tourbillon, et moi je suis toujours dans le tourbillon. Voilà, il est là avec son petit bateau et bon bah. Mais je peux pas, c'est un petit bateau. Voilà, il peut en rien fait, faire. En fait, Polo, son slogan c'est toujours viré, jamais responsable. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Merci Christophe. Bon bah écoute, Mehdi, l'annonce est passée cela dit. Hein. Si vous êtes intéressé par Mehdi qui est dans le 95, bah appelez-nous, hein. Vous savez qu'il est un petit peu potelé. Hein. Il paraît que c'est mieux pour la sodomie, comme ça on peut tenir par les poignées d'amour. Mais il paraît, comme ça tu vois, tu maîtrises mieux. Il paraît, moi après, je sais pas, je payais, mais il paraît. Bon, 01 40 71 5000. Bon, du coup, Mehdi, reste avec nous deux secondes. On va prendre Kevin dans un instant. On va prendre où est-ce qu'il est ? Un autre Kevin aussi. Bah, deux Kevin à suivre, dont un de Toulon justement. On va d'abord s'écouter le son de Flume qu'on écoute maintenant. C'est une grosse son ça. Je vous le mets maintenant. Il est 1h56. On est au cœur de la nuit sans pub. Passez une bonne nuit tout le monde. This fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I've fucked up and I'm missing ya. I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay. C'est Mickaël, on est sur Énergie et on va se faire le on va d'abord récupérer Kevin, il y aura Antoine, il y aura Mehdi, il y aura un autre Kevin, il y aura Stéphane et Denis également et avant toute chose évidemment, et ben demain c'est le menteur, elles adorent qu'on leur mente. Vous ne connaissez pas le principe, je vous explique ça. L'immensité de l'océan. La pureté d'un flocon de neige. La beauté d'une fleur. La force d'un arbre millénaire. Mickaël est sur Énergie. Poursuivez votre recherche de la perfection. De minuit à 3h sur Énergie. Exactement, et demain c'est le Menteleur, elles adorent qu'on leur mente. Et bah justement, je vais vous diffuser le Menteleur, elles adorent qu'on leur mente, qu'on avait fait la semaine dernière. Si vous voulez participer, 01 40 71 5000. Il y a une GoPro à gagner demain ou une Xbox One, bah, je sais pas encore, on verra bien. Donc si vous voulez jouer avec nous, on vous impose 3 mensonges, on appelle la personne de votre choix, vous devez les lui faire croire, enfin lui faire croire les mensonges. Si il ou elle le croit et s'énerve, c'est gagné, comme on l'avait fait avec Geoffrey d'ailleurs. T'es toujours là, Geoffrey? Merde, c'est pas celui-là. T'es toujours là, Geoffrey? C'est celui-là, celui qu'on avait fait la semaine dernière. Ouais, je suis toujours là. Bon, parfait. Alors, Geoffrey, plein de messages sont arrivés. Je vais d'abord résumer pour ceux qui viennent justement de débarquer aussi. On va appeler Lucille pour le Menteleur, elles adorent qu'on leur mente. Tu vas, eh ben, on va t'imposer 3 mensonges. Tu vas devoir être bon et lui faire croire ses mensonges. Plus elle s'énerve, plus vous avez de chances de repartir avec les cadeaux. Il y a des tablettes Samsung Galaxy Tab A et des Arcos. On va appeler Lucille, elle a 17 ans. Vous êtes ensemble depuis un petit peu plus d'un an. Elle est étudiante, elle est en terminale, elle habite encore chez ses parents. Toi t'es, t'as 19 ans, Geoffrey, t'es intérimaire dans l'industrie. Elle n'aime pas que t'ailles en boîte parce que tu l'as déjà trompé avec une certaine Manon. Elle est pas spécialement fan de foot, mais bon, forcément elle suit à cause de toi, on va dire, hein. Bon alors, Tof, qu'est-ce que t'avais comme idée? Moi il y avait le, moi j'aimais bien l'idée du plan à 3. Je trouvais ça sympa. Plan à 3 avec qui alors? Bah avec, il y avait l'idée de la cougar, moi je trouvais ça pas mal, tu vois, parce que tu t'aimerais bien essayer les deux, voir ce qui te plaît le plus. Ah, genre, je peux dire par exemple, si t'es en boîte, j'ai rencontré une cougar et je peux et faire un plan à 3 avec elle. Quoi. Et voilà, faire un plan à 3 pour parce que t'en as un peu marre des enfants. Ouais, non, parce que tu veux comparer quoi, tu veux bah, voir des gamines quoi, tu vois, elle a 17 ans, le but c'est d'énerver, si tu la traites de gamine, forcément ça va l'énerver et que t'as envie de te faire une vraie femme pour essayer, pour voir quoi, voilà. Avec des vrais tétons. Ouais, ouais, c'est ça. Et des seins qui pendent. Et des poils. Voilà, voilà. Alors, plan A3. Valentine. Ouais, j'ai une petite idée. Dis-moi. Donc que tu lui dises que comme t'adores les boîtes de nuit, t'as décidé de travailler, tu sais, d'avoir un job d'été dans une boîte de nuit tout l'été. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Ouais, mais quoi, parce que mais vous aviez prévu de, vous aviez prévu de passer l'été ensemble. Bah ouais, on devait partir en, enfin on doit partir en vacances ensemble, ouais. Et vous. Mais après, je peux dire par exemple. Genre j'annule nos vacances, genre cet après-midi j'ai appelé pour annuler une vacance parce que ouais parce que tu dois exactement ou voilà c'est ça, parce que tu dois aller bosser en c'est bien ça. Et la Manon, c'était une cliente ou une meuf de la boîte? Non, c'est une meuf de la boîte, enfin ouais, une cliente, ouais, une meuf qui va en boîte comme tout le monde quoi. D'accord. OK, donc taf cet été en boîte, voilà, tous les soirs, ça va être génial. Elle va être contente en plus, hein. Hop là, tous les soirs en boîte. OK, nickel. Et Polo, une idée de mensonge? Ouais, tu veux que c'est un petit délire, que t'as vu ça à la télé, que ça te travaille depuis quelques temps et que tu veux le faire absolument, tu lui dis comme ça parce que voilà, en fait tu veux te faire tatouer un éléphant, tu sais, sur la bite là, et que ta bite sera la trompe. Ah, c'est chaud ça, non? Bah non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je veux ton idée. Oui, mais c'est toujours, mais le principe aussi c'est qu'il y a quelque chose d'un petit peu de... Mais non, c'est drôle. De particulier. Genre, moi je kiffe les tatouages et tout. Ouais. Elle, déjà, elle veut plus que je refasse, mais en plus, si je lui dis, je vais faire un éléphant. Bah voilà, voilà, ça va cartonner ça. C'est vrai qu'on était au niveau des tatouages là. Tu dis que les ricains ils font tout ça et que toi tu t'as envie de faire ça parce que c'est, ouais, c'est la nouvelle tendance quoi. Voilà, ouais. Et qu'elle va kiffer parce qu'elle va pouvoir s'amuser avec Babar. Pourquoi ouais, pas. Je sais pas, moi vous me dites. Bon, écoute, après, on va rester sur les trois. On va rester sur le plan 3 avec la cougar. On va rester sur le. Tu vas bosser en bois, donc t'as annulé les vacances, voilà, sans lui demander parce qu'en même temps, l'argent ça prime. En même temps, c'est une meuf, elle a rien à dire. Attends, ça veut dire quoi ça? N'oublie pas, c'est toi le chef. Et que tu vas faire un tatouage éléphant au niveau du sexe. Éléphant beat. L'éléphant beat, parce que c'est tendance aux États-Unis et que c'est comme ça. Voilà. Fais-lui des vannes. Tu connais l'éléphant bleu ou pas? Connais ça ou pas? Le truc de nettoyage de bagnole. Bah ouais. Et bah dis-lui ça, tu lui fais des vannes avec, au lieu de, c'est plus l'éléphant bleu, ça sera l'éléphant bite, tu vas lui mettre le Karcher à la gueule, des trucs comme ça, tu vois. Voilà, ouais, ça peut être une. Elle va croiser Babar. Non, tu lui dis, alors pour l'énerver encore, tu dis le tatouage éléphant, tu lui dis que c'était une idée de Manon. Ah ouais, ok, ouais. Tu voulais enfoncer cette pauvre Manon là. Bah oui, mais finalement, on parle pas d'elle. Donc la c'est pauvre. Elle était bonne, Manon, ou pas? De quoi? Est-ce que Manon suçait bien? Oh, tof, oh là là. Franchement? Ouais. Juste en train de dis pas, dis pas, dis pas, dis pas, dis pas. Dis pas. J'étais bourré, je sais pas. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, allez, Geoffrey, on y va, on l'appelle maintenant, je te souhaite bonne chance. Au besoin. Ouais, au besoin, moi je suis derrière, hein, limite tu peux être le, un des mecs qui bosse dans la boîte et qui t'a fait venir en discothèque. Qui t'a dit que t'allais pouvoir pêcher au plein de meufs et tout. La semaine. Ah, voilà. La semaine dernière, j'étais en boîte, machin, voilà. Et je t'ai rencontré et tu m'as proposé. Exactement. Et n'oublie pas que le tatouage, c'est, la bite sera la trompe. Ouais. Voilà, l'éléphant. Évidemment, évidemment. Bon, allez, on y va, c'est parti. Je te souhaite bonne chance, Geoffrey. Plus elle s'énerve, plus t'as de chance de repartir avec une des deux tablettes. Eh bien, c'est parti. On y va, on appelle. Nous, on est derrière. Au besoin, tu nous demandes. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est Michel, évidemment. N'oublie pas. Voilà, il nous entend plus. C'est parfait. Allô ? Allô ? Oui. Ouais, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Je te dérange pas ? Bah non, je t'ai couché, mais non. Ouais. Eh, fallait que je te dise un truc. Genre, bah, en fait, cet après-midi, j'ai dû annuler le vacances à Cavalaire. Parce que, il y a deux semaines, quand t'étais chez ton père, j'ai été en boîte avec Aubin et Minibo. Attends. T'as été en boîte ? Ouais, j'étais en boîte, ouais. De quoi ? Sans me le dire. Bah ouais, mais t'étais chez ton père et tout, t'avais pas le droit de venir à la maison, tout ça. Et du coup, en fait, j'ai rencontré Michel en boîte. Et en fait, il m'a proposé c'est un gars qui travaille là-bas, et il m'a proposé un job d'été en boîte. Et c'est tous les soirs, en fait. Et du coup, j'ai accepté, et comme ça, au lieu de dépenser des sous en vacances, et je vais en gagner en boîte, en fait. Donc du coup, j'ai annulé les vacances. Ouais, donc tu vas travailler. Il m'a dit, vas-y, c'est bien, t'es beau gosse et tout, tu vas pouvoir gérer plein de meufs et tout. Du coup, j'ai accepté direct, tu vois. Ah, et franchement, ça marche bien, hein. Là, je peux te dire, ça fait 2 ans que je suis là, moi, ça marche plutôt pas mal, hein, dans la boîte, hein. C'est qui ? Bah, t'as vu, c'est Michel, c'est mon pote Michel, là. Je t'en sors avec et tout, et puis on en parlait et tout ça, puis au bout d'un moment, faut que je dise à ma copine, quoi, tu vois. T'as mis nos vacances pour travailler en boîte, et en plus, tu vas en boîte sans me prévenir ? Bah ouais, mais c'est pas ça l'important, c'est genre. Eh, dis-lui que c'est pas elle qui gère la maison, hein, la petite, si. Parce qu'elle a l'air gentille, là, non. Mais t'es en train de s'énerver, là, c'est toi le patron, c'est toi le mec, hein, c'est toi qui as les couilles, hein. Non, mais carrément, déjà tu t'énerves, en plus je vais faire un tatouage sur ma bite, ça va être babar. Tu vois, ça va être un éléphant, et comme ça, genre en fait ma bite ça va être ta trompe, et au moins à chaque fois que tu la verras, à chaque fois que tu penseras à ton enfance, tu vois, quand tu regardais babar et tout, tu vois. Ça c'est Michel, c'est pareil, c'est mon pote, il m'a dit ouais. Fais un tatouage comme ça et tout, tu vois. La tête, mon pauvre garçon. Bah pourquoi ? Ça peut être terrible, non ? Mais tu te fais carrément manipuler. Bah ouais, les gars, mais non, mais avec Michel, on a appelé Manon et tout, et elle m'a dit ouais, Jo et Manon tout. J'ai vu. De quoi ? Manon qui ? Bah Manon, tu sais, la fille avec qui s'était passé un truc en boîte et tout la dernière fois, enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Non, bah elle a vraiment entendu, elle, par contre. Bah non, mais ça sert à rien, mais je te dis, gars, c'est pour toi que je fais ça, je vais me faire un éléphant sur ma bite avec la trompe et tout, tu vois, kiffer, non ? C'est pour moi que tu fais ça, mais t'es complètement abruti, mon pauvre garçon, il te manque une conne. Pour ton anniversaire, j'ai pensé à un truc aussi, j'étais sur un site de rencontre et j'ai rencontré une cougar, et je me disais que pour ton anniversaire, on pourrait faire un plan à 3 avec la cougar, non ? Mais ferme ta gueule, de quoi tu me parles d'une cougar, et en plus un plan à 3, mais t'es tombé sur la tête ou quoi ? Donc déjà, t'as eu nos vacances à Cavalaire, en plus tu vas travailler en boîte, après tu me parles d'une certaine Manon, et puis là, tu vas sur des sites de rencontres. Non mais tu te fous carrément de ma gueule. Mais si je fais ça, c'est pour toi. Ton tatouage et tout sur ma vie. Franchement, il faut essayer avec une vraie femme, hein, ça va te changer des gamines. Mais elle aura des seins qui tombent et tout, genre elle aura plus de, tu vois, pour nous apprendre et tout. Tu vois, elle aura un bon cul mieux, elle bougera bien sur ma bite et tout, tu vois, ça peut être bien. Mais t'es la tête là, t'es où, tu fais quoi ? Eh ! Mais là, je suis avec Michel là. Geoff, il faut absolument lui dire que qu'elle va apprendre aussi, il faut prendre ça comme une leçon, hein. Donc, ouais, c'est pareil, Gan. Mais c'est bien, imagine comment après on s'éclatera. Tu t'as complètement manipulé. Mais c'est mon pote, parle pas comme ça de mon pote, tu te prends pour qui ? De toute façon, c'est moi l'homme de la maison. Est-ce qu'elle se calme, hein ? Sinon, moi, je la fais plus venir en boîte, hein. Bah ouais, carrément, attends, je fais plein de trucs pour toi et toi, tu me remercies comme ça. Là, je suis carrément désolé, mais tu n'iras pas. Mais t'as vu tout ce que je fais pour toi, tu me remercies ans. Comme ça. Elle nous entend plus. Elle a tout ce que tu fais pour moi, mais t'es tombé sur la tête, mais t'es vraiment con. Attends, Geoffrey, passe-la-moi, t'inquiète pas, je vais gérer, là, t'inquiète. Ouais, tiens, vas-y, tiens. Ouais. Allô ? Quoi ? Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Ouais, c'est Michel, la boîte, là, dis-moi. Allez. Non, mais attends, on cherchait des gogo danseuses, comme ça, tu peux pas venir, éventuellement, là ? Tu m'as pris pour qui, là ? Tu m'as pris pour une salope ou quoi ? Bah merde, mais c'est danser, hein, je te demande pas de baiser, hein. Non, ferme ta gueule, maintenant ferme ta gueule. Non mais attends, mais comme ça au moins t'es pas toute seule quoi. C'est comme les vacances sont annulées, autant que tu travailles aussi, hein. Non. Déjà non, les vacances, moi je vais pas les... Faut pas les annuler, je suis désolée. Ah non, mais moi de toute façon je lui dis, c'est pas la peine d'aller en vacances, ça sert à rien, c'est pour les cons les vacances, hein. Bah non, excuse-moi, non. Parce qu'en plus j'ai demandé, parce que c'est comme cette bonne cliente, j'avais demandé à Manon aussi de venir faire une gogo lanceuse, alors si jamais vous voulez venir à deux... Ouais, elle va voir, c'est Manon, elle va voir elle. Bah, elle va voir quoi ? Ouais, rien. Bah elle va voir ou elle va pas voir ? Bah rien. Elle va voir Brun ? C'est qui Brun ? Repasse-moi Geoffrey. Ouais, ok. Hey, Geoffrey ! tiens, je te repasse. C'est bon, elle est d'accord, pas de problème. Voilà, ça a été. On a non, non, non, je suis pas d'accord. Elle est d'accord pour annuler les vacances. Elle va venir, va venir danser dans les soirées. Bon, pas tous les soirs, apparemment, elle peut pas. Mais elle va venir danser en soirée. Donc ça va. Donc franchement, elle est cool. Ouais, tu sens qu'elle est un peu coincée du cul, tout ça. Mais elle va se décoincer. Bah oui, franchement. Mais ta gueule, mais je te permets pas de parler comme ça, non? Tu me connais pas? Bah bien sûr. Tu me connais pas? Mais non, mais ça va aller, t'inquiète. Non, on va. Non. Et on va la décoincer, tu vas voir. Ça va être. Elle est un peu Sainte-Nitouche là maintenant. Mais de où tu parles comme ça de moi là? Tu me connais pas? Ouais, ça va devenir une bonne petite. Repasse-moi Geoffrey. Ouais, ça va devenir une belle petite salope. Elle va arriver, elle va s'éclater. Elle va sans parler sur toi et tout, tu vas m'en dire des nouvelles. Repasse-moi Geoffrey, je te jure. Belle biatch. Tu vois, on va la transformer, tu vas voir. Tiens, je te la repasse. Ouais. Bon bah alors c'est bien. Je sais pas te parler du job parce que moi tu peux te faire des soucis, mais quand même pas tu t'en as parlé. Tu me coupes pas la parole, je te parle. Tu vas te calmer, c'est moi le maître ici, t'as compris? C'est toi le maître, tu te prends pour qui toi? Eh mais t'as vu comment tu parles à mon pote? Il me propose du boulot et tout pour ma situation, pour notre situation. Et toi tu parles comme ça à mon pote alors que toi aussi tu proposes du boulot. Tu vas être célibataire, tu vas rien comprendre. Non. Ah donc tu préfères que je reste chez moi à rien faire alors? Non, excuse-moi, t'annules des vacances, bah, tu travailles dans toute façon, boîte, j'ai plus. Mais de toute façon, on va partir en vacances, j'ai plus de sous, j'ai tout dépensé pour payer des verres aux meufs. J'étais en boîte il y a deux semaines, tous les sous des vacances, j'ai tout dépensé, j'ai payé des verres à Manon. Non, mais déjà, où tu vas en boîte sans me prévenir? Ah, ça va, y'a pas de police. Y'a pas de chien pendu, y'a pas de la police, je t'avais dit que c'était une sainte nitouche. Mais toi, ta gueule, je te parle pas. C'est une sainte nitouche. Bah quoi, j'ai le droit d'aller en boîte avec mes potes aussi, en plus, j'ai trouvé du boulot, bah c'est nickel. Et alors, non. C'est pas une question que t'as pas le droit d'aller en boîte, c'est que déjà tu dois me prévenir et en plus tu sais très bien que je veux pas que t'ailles en boîte. Mais tu te le dis pas. Elle est même pas majeure, qu'est-ce qui nous emmerde? Mais ferme ta gueule. Bah ouais, carrément. Mais pourquoi tu parles comme ça mon pote? Il te propose du boulot, tu lui parles comme ça? Moi j'accumule mon poutou sur le cul de ta mère, fils de pute. C'est qui ça? C'est quelqu'un, ça te regarde pas. Toi je vais niquer ta grosse gueule de bâtard. C'est qui là? Ça sert à rien que je te dise qui c'est parce que dans tous les cas tu vas encore lui parler mal. C'est des copains, ça sert à rien que je dise qui c'est, tu vas leur parler mal encore une fois là. J'ai des bons potes et toi tu leur parles mal, après je vais les perdre encore et je vais me retrouver tout seul comme un con quand tu vas tuer ton père là. Mais t'inquiète Michel, elle est un peu coincée mais je vais la décoincer, ça va aller. Non mais t'inquiète, on va gérer ça aussi. Bah, sinon viens à la maison Michel et puis on lui parlera un peu à deux, tout ça, on lui montrera vite. Et en plus Lucille, j'ai une copine, c'est Laura, elle a dit que t'allais pouvoir t'amuser avec Babar, avec l'éléphant bide, c'est quand même plutôt sympa, non? En plus, il est pas cher le tatouage, il est à 100 euros seulement. Je vais péter un câble, c'est quoi ce délire? Eh, Brun! Elle tatoue à 100 euros, c'est pas cher en plus, je peux me le faire. Toi, mais t'es tombé sur la tête, mon pauvre garçon, il t'arrive quoi là ce soir, il t'arrive quoi? Eh, tu viens du Nord ou pas, Lucille? Ouais, je viens du Nord et ça te fait quoi? Et ça va? Oui, ça va. Tu le vis bien? Oh putain, mais arrête de me parler, je parle à Geoffrey, pas à toi, je sais même pas de où tu te mets de nos conversations. Je m'appelle Michel. Je m'en fous. Je viens de Tourcoing. De quoi? Je viens de Tourcoing. Bah c'est cool, je m'en fous. Ouais, on est du Nord aussi, hein, tous les deux, hein. En représentant. Je m'en fous, mais c'est ta vie, bah, c'est ta vie. On est tous du Nord, en plus, regarde, on est dans la même région et tout, et tu parles comme ça, c'est un copain, c'est un collègue, c'est un ami, c'est tout, tu parles pas comme ça, mes amis quand même. Ils proposent des super idées et tout. Eh Lucille! Comme je veux! Eh Lucille! Quoi? Je suis Michel, je viens de Tourcoing. C'est cool, je m'en fous que tu viennes de Tourcoing et que tu t'appelles Michel, je m'en fous de quitter, je veux pas te connaître, c'est clair et net, non? Eh, hey, je viens de Tourcoing! Je m'en fous, mais putain! Mais si tu veux, mais on ira à Tourcoing, en plus c'est une belle ville et tout, ah Michel ouais, il est cool, on ira chez lui. C'est bien mieux que tu vas faire des trucs et tout. Je vais rien comprendre à ta vie. Eh, Lucille! Quoi? Eh, je viens de Tourcoing! Mais je m'en fous que tu viennes de Tourcoing, Geoffrey, je te jure demain je vais te débrouiller chez toi, tu vas rien comprendre à ta vie. Tu vas voir toi. Eh hey, Lucille, bah, Michel il est chez moi donc tu peux faire sinon viens. Eh hey, Lucille, c'est Michel, je viens de Tourcoing. Passe-moi Geoffrey. Ah bah ça va, il est là. Bon Lucille. Ah, c'est bon, je suis là. T'as l'air un peu demain si tu veux, Michel il est là. Et mais tout. T'as l'air un peu énervé Lucille là, faut pas s'énerver comme ça hein, petit chéri. Oui, là, je suis sur les nerfs là. Il faut pas. Et tu vas vite te calmer, je te le dis direct hein, Lucille. Ouais non, toi fais pas le malin avec moi non plus. Non, bah, t'imagines que Michel ça va être ton patron et tu lui parles comme ça, mais t'es ouf, ça va être mon patron. Bah oui, ça va être ton patron, bah oui, bah c'est même lui qui va t'habiller, qui va te montrer les bah, je vais la déshabiller plutôt. La grosse blague, ouais, Michel, je te prête tout, Michel, y'a pas de soucis. D'ailleurs, Lucille, tu ressembles à quoi là physiquement? T'as des gros seins ou pas? Ferme ta gueule, toi, de quoi tu te mêles? T'as un gros cul ou t'as un petit cul? Mais ferme ta gueule de quoi, voilà, tu te mets. Elle a plutôt un gros cul, hein, Michel. Ah ouais. Et au niveau des seins, elle a quoi? Oh putain. Au niveau des seins, bah ma main, elle est bien. Ma main, elle est pleine. Ah ouais, c'est quoi, c'est 90C? 90D? Ouais, 90D. Et quoi, t'es les petites ou les grandes? De quoi? Elle est petite ou les grandes? De quoi, moi? Bah non, Lucille, pas ta bite, je m'en fous. Ah, Lucille, elle est grande en plus. Elle est grande, elle a un gros cul, des gros seins, c'est super. Ah ouais, putain, c'est bien, hein. Ah ouais, franchement, ça peut être bien pour la boîte, ça, Lucille, hein. C'est bien. Hein. Bon, bah, je te regarde. Il faut qu'elle vienne demain, et comme ça, on verra ça ensemble. Quelle aigreur. Eh, Lucille, t'es toujours aussi gris comme ça? Ouais, et ça te fait quoi? Bah moi ça me fait rien, mais toi ça te fait que t'es sur énergie. C'était le Mortelleur, elles adorent qu'on leur mente. C'est quoi ce délire? C'était un jeu, Lucille, le but c'était de balancer trois mensonges, en l'occurrence le plan A3, le taf en boîte et le tatouage de l'éléphant bite. Tu vois, c'est une blague. Ouais, c'est une blague, ouais. Tu vois, Geoffrey, tu disais non, mais ça va être un peu gros là, finalement il est tombé dedans, hein. Bah ouais, carrément, ouais, je pensais pas, mais ouais, je suis tombé dedans. Tu vois, laisse faire les professionnels. Mais non, Lucille! Quoi? Lucille, mais du calme, c'est bon, c'est la radio, c'était une blague. Oui. Bon, hey, par contre, Geoffrey, on sent qui porte la culotte à la maison, hein. Alors là, c'est pas toi. Non, mais non, c'est moi, c'est parce que tu vois, je voulais pas. Attends, mais tu vois bien que c'est elle qui gère. Attends, t'es sérieux, quoi? Je t'interdis de sortir en boîte sans me demander la permission. Et il est pas question que t'ailles travailler là-bas, dis donc. Waouh. Hey, Lucille, t'es un peu autoritaire, hein. Mais pas du tout, mais je ne vois pas pourquoi vous dites ça, mais enfin dites donc alors. Bon, Lucille, du coup, on va te filer le cadeau à toi, Lucille, hein, pas à Geoffrey, hein. Lucille, ta position préférée, c'est le. Bah, par contre, c'est moi qui porte la culotte, donc le cadeau, c'est moi qui vais lui prendre. Bah, parce que c'est elle qui domine. Ah, non, oui. C'est pas toi qui porte la culotte, non. Lucille, non, c'est quoi ta position préférée, Lucille? Mais c'est l'Amazon, toi. C'est l'Amazon. Ouais. Et tu lui mets des baffes dans sa gueule. Mais bien sûr. Par contre, bébé, pour l'éléphant barbare, ça peut être pas mal, non? Ah ouais, faut essayer. Non. Ah, ça peut être pas mal. Bon, Lucille, en tout cas, et Geoffrey, la tablette est pour vous. Vous allez retourner chez Valentine. On prend vos standards. On prend vos coordonnées au standard. Et puis, vous rappelez quand vous voulez. Et puis, c'est de bonnes vacances, alors, du coup, hein. Ouais, merci, c'est cool. Salut Lucie, ouais. Salut Geoffrey, gros bisous. Salut, merci Mika, merci beaucoup, salut, bisous. Bon, et si vous voulez faire également un petit Mortelleur, elles adorent qu'on leur mente, on refait ça demain soir. Si vous voulez jouer, inscrivez-vous maintenant 01 40 71 5000. Et oui, hein, parce qu'il y en a plein qui disent oui, t'as été grillé, c'est une rediff. Bah oui, je l'ai dit juste avant en fait que je mettais la rediff de la semaine dernière. Non, tu mens, donc, c'est une rediff. Je vois pas ce que j'aurais pu faire de mieux. Vous bougez pas, on se met la pub en speed, on revient juste après. Nuit sans pub juste après. Stéphane, Denis, Kevin, Mehdi, Eric, Kevin, encore un autre. Qui vont débarquer, évidemment, toujours au taquet, les appels mal intentionnés, les derniers qui vont arriver aussi. Vous bougez pas, c'est Mickaël sur NRJ, comme toutes les nuits, on est en direct. Que vous soyez dans la jungle amazonienne, dans un temple zen, dans une caravane ou dans un camping, la meilleure chose à faire pendant vos vacances, c'est d'écouter Mickaël sur NRJ. De minuit à 3h. Vos votes vont désigner les top DJ mondiaux. Qui allez-vous récompenser cette année? C'est David Guetta. This is Avicii. I'm Calvin Harris. Yo, this is Martin Garrix and you're listening to Energy présente les Energy DJ Awards 2016. Votez maintenant et tout l'été sur energy.fr. Et le 12 octobre, dans le cadre du mix à Monaco, la plus grande cérémonie européenne consacrée aux DJ récompensera les meilleurs d'entre eux. Energy DJ Awards. Hit music only. Salut, c'est Guillaume. Cet été, avant de partir en soirée, je propose un petit jeu. Plouf, plouf, ce sera toi qui sera Sam, celui qui conduit et qui boit pas. Mais comme l'autre fois, c'était déjà toi et que t'as chopé toute la soirée, alors ce soir, Sam, ça sera moi. Ouais, parce que Sam le sauveur, c'est aussi Sam le tombeur. Alors, y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes. Donc, pour éviter les embrouilles, désignez bien votre Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Votre vie est faite de joie, de peine, mais aussi de surprises. Si vous aviez été prévenu, vous auriez réagi différemment et mieux. Envoyez par SMS Avenir au 72. Nos équipes de spécialistes en astrologie et voyance se tiennent à votre disposition pour éclairer votre avenir. Avenir, AVENIR, au 7-22. Vous n'êtes plus seul pour affronter les assauts du destin. Envoyez Avenir au 7-22. 65 centimes plus prix du SMS, e-énergie. Allez, plus de pub maintenant, c'est parti, nuit sans pub sur Énergie, et puis on va s'écouter le son de Enrique Iglesias. Allez, c'est parti, il est 2h20, on récupère tout le monde comme promis, et puis tous vos messages en direct. Mickaël et votre message aussi sont 12 sur Facebook, Twitter et Instagram, c'est MIKL officiel. Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Que te hace llorar. On est sur Énergie, bonne nuit tout le monde. Il y a Diro qui va arriver et Charlie Pousse que je vous cale dans quelques instants. Bougez pas de là. On est en direct comme toutes les nuits jusqu'à 3h. Changement de dernière minute. Vous pensiez passer les vacances tranquilles à la plage, à bronzer, avec votre famille, à faire la fête? Stop, on arrête tout. Mickaël débarque tous les soirs de minuit à 3h sur Énergie. Bah évidemment, pendant les vacances, hein, enfin pendant le début du mois de juillet. Après on sera là à partir du 18 juillet de 20h à minuit tous les soirs jusqu'à la fin du mois d'août. On va également se faire le jeu du partons pas fâchés. Si vous voulez vous inscrire maintenant, n'hésitez pas, il vous reste 2-3 minutes pour le faire. 01 40 71 5000 ou par SMS, vous envoyez Mickaël espace fâché et votre numéro de téléphone au 612. On appelle des gens, faut avoir un petit dialogue de rupture. Voilà, on appelle des gens que vous ne connaissez pas évidemment. Le principe, tenir le plus longtemps que l'autre. Si vous arrivez à tenir plus longtemps dans la conversation sans vous faire accrocher au nez, vous gagnez. Voilà, 01 40 71 5000. Ouais, globalement, ouais. Mais enfin, ça peut arriver que ce soit un peu plus compliqué quand même. Kevin, qui est avec nous maintenant, 25 ans, à Saint-Lois. Salut Kevin. Salut les gars, vous allez bien? Ça va et toi? Super. 95? Eh ouais, 9,5. Ouais, très bien. Bon alors, Kevin, raconte un peu, là. On parlait d'argent depuis le début de l'émission, entre autres. Je voulais savoir si vous aviez déjà fait des paris sportifs ou globalement des jeux à gratter. Est-ce que vous avez déjà beaucoup perdu ou au contraire, beaucoup gagné? Alors moi, pour le coup, j'ai beaucoup perdu et c'était à Las Vegas, donc le cliché type, quoi. Et c'était au Blackjack, donc moi j'avais déjà joué un petit peu au Blackjack dans un casino en France, donc j'avais gagné, voilà, j'étais sur une bonne lancée, c'était cool. Je me suis dit, voilà, je suis à Las Vegas, je suis obligé d'y jouer. Ouais, c'est clair. Et donc voilà, bonne ambiance, en plus c'est vachement une bonne expérience, mais après pour le coup c'est vrai que j'ai beaucoup perdu, et dans les 600 à 700 dollars, quoi. sur 2 jours, on va dire. Ah oui, ah oui, ah oui, putain, ça fait comme une belle perte. Donc après le deuxième jour, tu t'es dit, oula, on va s'arrêter là, hein. Bah du coup, j'ai fait que 2 jours, donc après, je suis reparti, hein. Ah oui, et après, t'es reparti comment, à la nage, parce que t'as plus un rond? Non, j'avais quand même mon billet de retour. Ah, heureusement. J'ai déjà acheté, donc. C'est ça qui est bien avec les États-Unis, c'est comme ils ne t'acceptent pas sur leur territoire si t'as pas un billet de retour. Au moins, t'es sûr de rentrer. C'est toujours ça de prix, hein. Voilà. Et comme tu ne peux pas céder ton billet ou changer le nom, etc., sans que ça te coûte une fortune, bon, tu peux pas dire, allez, je mets le billet en jeu, on verra, je vais me refaire avec ça, et après tu perds tout. Donc finalement, au moins, l'avantage, c'est que, ouais, t'es sûr de rentrer, donc c'est le plus safe. Ou alors le mieux, quand vous allez là-bas, genre à Vegas, des endroits où il y a des casinos, c'est, de jouer, mais genre le dernier jour. C'est comme ça, t'es sûr de pas faire de la merde pendant tout ton séjour. Voilà, t'as fait le dernier jour. Bon bah si tu perds, tu perds. Mais au moins tu vas pas t'en risquer, quoi. Mais quand tu vois qu'il y a des gens qui sont, tu sais, vraiment les mordus, les fous de jeu, qui sont prêts à mettre leur maison en gage, leur voiture, des bijoux de famille, etc. Non, mais ouais, juste pour jouer et tenter de gagner, c'est fou. Mais c'est pour ça qu'ils se font interdire. Mais je crois que dans les grands casinos maintenant aux États-Unis, t'as plus le droit à un genre de jeter tes clés de bagnole sur le truc et de dire ouais j'y vais. Mais t'imagines? Le mec, il a une caisse à 20 000 euros ou plus. Paf! Et il la met en disant, ouais, je vais me refaire avec ça. Le mec, il la perd. Pam! Et voilà. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, ça, c'est surtout sur des trucs de poker, privé. Enfin, ouais, c'est illégal. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre, on se dira, je vais jouer ma voiture et tout. Ouais, genre, les jeux clandestins, ouais. Ouais, c'est ça. Mais ça, là, après, c'est. Ah, bah là, après, tu joues après, hein. Tant pis, hein. Ouais. Ah, mais il y a des mecs qui y vont, hein. C'est pour. Tu jouerais ta vie, toi, ou pas? C'est-à-dire, je jouerais ma vie. Un jeu clandestin. Non, parce que enfin, je vois pas l'intérêt, mais ça vaut rien déjà. C'est ça. je vois pas qui achèterait ça à part Eric de Monfion, mais ouais. Tu jouerais ta mère ou pas? Ma mère? Ouais. Non, mais non. Tu jouerais pas Maryse? Mais non, je jouerais pas Maryse. C'est beau, hein? C'est beau. Pourquoi tu veux qu'il joue Maryse? Bah, je sais pas. Attends, Toff, il est prêt à vendre sa mère en général. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, je suis prêt à vendre plein de trucs, mais pas ma mère. Ouais, parce que je rappelle qu'il a perdu un jour à Paris. Depuis, c'est devenu la chaise de Polo. Ou le lampadaire, parce que bon, l'avantage avec Toff, c'est qu'il peut le transformer, hein, c'est une chaise ou un lampadaire, et il en fait ce qu'il veut pendant tous les week-ends. À sa guise. Ah, ça, exactement, c'est à sa guise, ouais. Et donc, du coup, Kevin, plus jamais t'as rejoué après, ça t'a servi de leçon, ou tu rejoues, t'essayes encore un peu de temps en temps quand même? Non, là, je pense que le casino, j'ai fini, quoi. T'arrêtes, quoi. Du coup, quand je suis revenu, j'ai quand même joué un petit peu au loto-foot, et il faut savoir qu'au loto-foot, il y a quand même une bonne technique à faire, c'est d'avoir un logiciel qui permet de maximiser tes chances en minimisant justement l'argent que tu paries dessus. Après, il faut savoir que bah toutes les semaines je mettais à peu près 200 euros, quoi. Et ah oui, dire sur un mois j'ai fait un bénéfice de 600 euros en plus, quoi. Ouais, pas mal. Le problème du foot, c'est que c'est tellement aléatoire. Tu sais, ça se joue sur plein de facteurs, quoi. Tu sais, la forme des joueurs, ça se joue sur les matchs qu'ils ont joué avant, ça se joue sur la chance aussi, parce que bon bah voilà. On l'a vu avec l'Euro. Clairement, ouais, parce que tu vois, t'as des ballons, le mec il tire la balle, il suffit qu'elle rebondisse sur un truc et bam elle rentre. Enfin tu vois, ça se joue sur tellement de trucs. Alors évidemment il y a le talent des joueurs évidemment, mais t'as des grosses équipes qui se font dégager. Bah tu le vois à l'Euro. Tu vois par exemple parfois des matchs du Real, de Barcelone, de Chelsea ou contre des équipes improbables, et puis bam ils ont perdu, quoi. Et tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment ça peut être possible. Ouais, c'est mais ils ont perdu, et puis voilà. Donc c'est le hasard aussi, hein. C'est le hasard, c'est clair. Bon, en tout cas, bonne chance, hein, Kevin, si tu continues à jouer, hein. Ouais, merci. Et tu retournes ta chance quand tu veux, surtout t'hésites pas. Salut Kevin. Ok, super, merci, bonne soirée. Ah, et je t'en prie, à bientôt, ciao à toi. Il y a Stéphane aussi avec nous à Melun. Salut Steph. Wow, salut. Oh, ça va les gars? Ça va, et toi? Ouais, ouais, ça va. Bon, bienvenue à toi. Alors Stéphane, vas-y, raconte, t'as déjà joué gros, toi? Perdu gros, comment ça se passe? Moi j'ai beaucoup perdu au poker, mais c'est à cause des sites en ligne, quoi. C'est-à-dire? Ouais, ça, avec internet, tu vois, j'ai beaucoup perdu. Ah ouais, parce que tu l'as plus bougé, mais... c'est facile de jouer, tu donnes ta carte de crédit et puis au final ça rentre tout seul. Voilà. Enfin, ça sort tout seul. Non, c'est pas pour ça que je vous appelle, moi. En fait, c'est une histoire, tu vois, ça fait début de l'Euro à peu près comme le collègue de tout à l'heure. Ouais, Polo, ouais. Ouais, voilà. Le collègue, tu as l'impression qu'on est à la poste. Et puis, ouais. Le gars, il joue au loto tout le temps. Ouais. Le tirage arrive. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'était 6 numéros et le complémentaire. Il se retrouve avec 5 numéros et le complémentaire. Ah oui, c'est pas mal. Attends, on t'entend plus. Reviens. Je suis là, normal. Voilà, nickel. Pas bougé. Ah bah ça, on t'entendait plus, mais là ça va mieux. Donc, vas-y, donc du coup. Donc, il lui en manquait juste un. Donc, il se disait, trop bien, je suis refait, ça va le faire, je travaille plus, demain je vais pas au taf, patati, patata. J'aime bien le demain je vais pas au taf, ouais. Voilà, donc le lendemain, il se réveille, il va au bar direct. Quand tu passes ton ticket, au-dessus de 3000, ça te dit, aller à la Française des Jeux. Ouais. Donc il se dit, je vais pas avoir le montant, mais je vais vérifier quand même. Il le passe, il voit 780, je crois que c'était 782 euros exactement. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Il comprenait pas. Cinq numéros, le complémentaire, il comprend pas. Ouais. Il va à la Française des Jeux, il demande pourquoi, nanana. En fait, il y avait 12 gagnants avec 5 numéros. Mais et c'est ça le problème. Un jour, ça m'est arrivé aussi. Mais oui, mais c'est la rage. J'avais joué à l'euro million. Je crois que j'avais. Il y a 5 chiffres et 2 étoiles. J'ai un. Je crois que j'avais 3 chiffres et 2 étoiles. Je crois, ou 4 chiffres et 1 étoile. Wow. Je me dis, voilà, j'ai pas gagné le jackpot, évidemment. Mais ça va, quoi. Tu vois, je me dis, putain, j'étais déjà. Je me dis, putain, j'ai gagné. Je pensais à quelques milliers d'euros, quoi. Tu vois, allez, ouais, peut-être normal. au moins 1000. Putain, tu sais quoi, j'ai eu 45 euros, sa mère. J'étais vénère. Non. Mais si, 45 euros, j'ai eu. J'étais vénère. Ah ouais, c'est scandaleux. Ah ouais. Trop abusé. Ouais, je crois que c'était ça, ouais. Ouais, c'était 4 chiffres et 1 étoile. 45 euros. Putain, j'étais dégoûté. Oh, j'étais, vas-y, Et attends, la cerise sur le gâteau, on lui fait son chèque de 782 euros. Ouais. Il repart de c'était à Fontainebleau, la Française des Jeux, je m'en rappelle. Ouais. Il rentre, il arrive chez nous, au quartier. Il dit, regardez, les gars, mon sale chèque de merde. Et il cherche dans sa poche. Plus rien. Portefeuille, plus rien. Le gars, il a perdu le chèque. Oh, quel ah ouais, zéro. Le mec était poisseux. Mais tu vois, voilà, c'est ça le truc. Le mec ne voulait pas, c'était une somme de merde. Alors que c'est déjà très bien. C'est juste que par rapport à d'habitude, c'est un peu moins bon. Mais 700 balles, c'est déjà quand même pas mal, tu vois. C'est beaucoup. Et ben voilà, il l'a perdu. Bien fait pour sa gueule. Bon, tu me diras si c'est un chèque. Normalement, il est à son nom. Il peut aller voir la Française des Jeux. Enfin, il aurait pu aller. Je sais pas ce qu'il. Non, il l'a eu. Il l'a eu dans le cul. Je sais qu'on en reparle tous les ans. On se fout de la gueule tous les ans. Tous les ans. Non. À chaque fois qu'on se revoit, on lui met ça. Mais il devrait être content parce qu'il est rentré dans la légende. Ah ouais. C'est vrai que tout le monde en parle. Tu sais que cette histoire va durer des décennies. C'est vrai. Dans 20 ans, les mecs en parleront. Encore cette histoire. Ouais, ça c'est bon. Bon, en tout cas, merci Steph d'avoir appelé, hein. Ouais, vous êtes cool les gars, c'est continuer, c'est cool la nuit. Bah écoute, avec plaisir, t'inquiète pas. Bon, on va s'arrêter une petite semaine puis on sera de retour et on s'arrêtera plus a priori. Ça roule. Salut Stéphane. Merci. Et merci à toi, à bientôt. Ciao. Il y aura les appels mal intentionnés, dernier de la nuit là, on fait ça juste après le son de Dion sur Énergie. Bonne nuit. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mami. c'est Selena Gomez, c'est ce qui va arriver dans quelques instants sur Énergie. Tu t'énerves, tu tweets, tu cours, tu Facebook, tu Instagram, tu téléphones, terminé tout ça. Ralentis. Prends ton temps. C'est les vacances avec Mickaël. Sur Énergie tous les soirs de minuit à 3h. Il y a un message qui est arrivé qui dit: salut, mon oncle a vécu toute sa vie grâce au jeu, il a jamais travaillé de sa vie. C'est Jojo. Bah c'est bien, tant mieux hein, s'il a réussi à le faire, c'est bien. Ça c'est. Mais faut y arriver, quoi. Oui mais il a rien fait. Il a passé son temps à jouer. Bah ouais. Oui, il est dans le. Ouais, bah, mais je c'est pense son kiff. C'est naze. Bah c'est mon avis. C'est mon avis. C'est ton avis. Et Bastien qui dit à l'écoute la famille. Salut Bastien. Et je vous rappelle que vos messages vous pouvez les envoyer hein, soit par SMS, Mickaël et votre message au 612, soit via Facebook, Twitter et Insta. Tapez M-I-K-L officiel. On va se faire les appels mal intentionnés. Les derniers de la soirée d'ailleurs, de la nuit, même Karine Le Marchand qui a encore fait une révélation sur sa vie sexuelle. Elle a reconnu avoir déjà fait l'amour par téléphone. Donc du coup tu vois avec les gens s'ils ont déjà testé par téléphone justement. Eh ben oui, allons-y. Eh ben on y va, c'est parti, grâce au numéro que vous envoyez comme toutes les nuits sur le mail de Tof, toph@energie.com. C'est parti, on y va, 2h37 du mat, on appelle. Oui, allô ? Ouais, c'est qui ? C'est Tof, madame. Et en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous avez déjà fait l'amour par téléphone. Mais nique ta grand-mère la pute. Oh non, madame, non, pas de centre, nous, ça se dit pas des choses comme ça. Ah, ça se dit pas des choses comme ça, alors d'où t'appelles ma meuf et tu viens pour dire je crois des trucs de plan cul là, je sais pas quoi. Non, je veux pas faire des trucs de plan cul en fait, je ouais, veux savoir si. Mais ouais, mais garde la pêche, petite puceau de merde, va. Non, madame, dites pas des choses comme ça, c'est pas gentil. Non, madame, dites pas des choses comme ça, bah putain, va pervers de mes couilles, va, mais... nique ta mère. Non, y'a rien de pervers, madame, je voulais juste savoir si vous avez. Allô? Ouais, sympathique, hein, putain. Ah bah adorable, hein, là j'ai senti l'amour. On dirait il est tard aussi, mais enfin quand même. Bon, rappel. Oui, allô. Allô. Oui, je m'excuse. Oh, cas où, je vais pas te le répéter 4 fois sur le téléphone encore une fois. Ah merde, c'est raccroché, on est le même en n'importe quoi de la fin, c'est con ça. Ouais. Ah bon, bah faut la. Bah du coup on est obligé de rappeler. Bah oui. Oui, je m'excuse. Je sais pas ce qui se passe à chaque fois, on est coupé. Ouais, en fait, c'est pas ce qui se passe à chaque fois, on est coupé, c'est bizarre, hein, mais effectivement. Hein. Bah oui, parce que du coup vous avez pas répondu à la question, donc je sais pas si vous avez déjà fait l'amour par téléphone. Ouais, mais c'est quoi cette question, mon pote? D'où t'as ce numéro pour appeler? Bah, moi, je vous appelle de Paris. Hein? Je vous appelle de Paris. Ouais, je vous appelle de Paris, ouais, c'est ouais. Vachement drôle, waouh, aïe. Bah, non. Ah, blague. Et pourquoi t'appelles pour casser les couilles déjà? Pourquoi t'appelles en masqué? Bah, parce que c'est bloqué dans le téléphone, mais je peux vous donner mon numéro si vous voulez. Mais je m'en bats les couilles de ton numéro. Bah... Et tu comprends pas que si je lui fais pas comprendre les choses, ce fils de pute, il va pas arrêter de nous appeler. Bah oui. Une chose, passe encore une fois les couilles, j'appelle les keufs, on va me faire tracer ton numéro, ça marche? Bah je peux vous le donner, moi ça sera plus simple. Bah donne-moi ton numéro alors. Alors c'est le 01. Mais qu'est-ce 01, bah petite puceau de mes couilles, bah. Qu'est-ce que tu viens t'appeler les gens comme ça pour casser les couilles? On dit arrête d'appeler, pourquoi tu veux chercher 15 ans midi à 14h? Moi je veux même pas t'entendre parler parce que je m'en bats les couilles de ce que tu vas me dire. Mais non, moi je veux juste avoir votre réponse, c'est tout. Après on raccroche, on se fait des poutous, on souhaite une bonne soirée. Bah oui, bien sûr, je te souhaite une bonne soirée, bien sûr, j'ai que ça à faire. Bah oui, bah c'est la moindre des choses, madame. Ouais, bah c'est la moindre des choses, madame. Mais c'est quoi, c'est... Déjà, mais d'où t'appelles les gens pour poser de Paris, des questions comme je vous l'ai déjà dit, de Paris. Ouais, mais d'où t'appelles les gens pour parler de ça? Et tu crois on est qui, nous? Bah, vous êtes... Moi, on m'a pas fini à la pisse, hein, mon gars, hein, je te le dis. Hein. Bah non, mais... Toi, oui, par contre, apparemment, on t'a fini à la pisse. Hein. Mais pas du tout, hein. Moi, je voulais juste avoir votre réponse. Vous répondez, on en parle. Mais ça va te servir à quoi d'avoir une réponse? Bah, comme ça je serais content. Ça va t'avancer à quoi dans ta vie? Bah, ça va m'avancer que j'aurai la réponse et puis je serai content. Ouais, tu seras trop content. Bah, moi, je te le dis, tu me casses plus les couilles qu'autre chose. Ah bon? Mais vous avez des couilles? Ouais, j'ai des grosses couilles, mon gars. Ah, d'accord. Ouais. Mais alors, pour l'amour au téléphone, vous avez déjà essayé ou pas? Mais non, c'est un jeune qui casse les couilles sur la vie de ah non, vie. J'ai donc ça à foutre dans la vie. T'as à foutre dans ta vie de faire chier le monde ou quoi? Alors, deux choses. D'abord, j'ai 35 ans et puis je suis au chômage, donc oui, j'ai que ça à faire. Ouais, t'as besoin de quoi, hein? Bah, moi j'ai besoin de rien, je veux juste savoir. T'es en manque de cul ou quoi, mon pote? Ah non, pas du tout. C'est trop moche que ça y est, t'as besoin d'appeler des gens en inconnu pour te rendre intéressant ou quoi? Non, j'ai jamais essayé parce que maman elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Va jouer au bille, c'est tout. Ben non, moi je veux pas jouer au bille, je veux avoir une réponse. Mais qu'est-ce réponse? Ben je te dis, écoute, tu vas avoir une réponse? Non. Voilà. Eh ben voilà, madame, suffisait de le dire. Ouais. Voilà, maintenant on peut se souhaiter une bonne soirée. Bah écoute, passe une très bonne soirée. Merci. Bien. Merci. Allez, on se fait des poutous. Ouais, jamais de la vie. Allez, un petit bisou quand même avant pour se souhaiter une bonne nuit. Bah, elle, bah veut alors. Elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. Un petit bisou. Bon, alors on la rappelle. Oui. Elle avait l'air en forme, on continue, tiens. Pourquoi tu casses les couilles? Bah, juste, vous voulez pas un bisou pour souhaiter une bonne nuit? Non, je veux pas un bisou, je veux pas de bisou pour souhaiter une bonne nuit ou je sais pas quoi. Arrête de casser les couilles sur la vie de ma mère. Arrête de casser les couilles. Bon, d'accord, moi c'était juste pour faire un bisou, pour être sympa, quoi. Allô? Oui, allô? Ça me tague, franchement, arrête, tu casses les couilles. Vous voulez pas qu'on se fasse un bisou pour souhaiter une bonne nuit? Ah, moi je te fais un bisou, je te souhaite une bonne nuit et arrête d'appeler parce que franchement, je vais pas le faire, ok? D'accord, allez, poutou poutou. Ah bah t'as raccroché, on y est encore une fois, ouais, dis donc. Je suis déçu. Ah bah moi aussi. Bon, on en appelle un autre, on a encore reçu un autre numéro là. Allez, allez. Allez, on en appelle encore un autre là, du coup. Ah, comme c'est le dernier, on va se faire plaisir, on va sur une petite doublette. Allez, 2h41, on y va, on rappelle. Enfin, on rappelle pas, on appelle quelqu'un d'autre, envoyé sur touph@energie.com. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir madame. En fait, je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà fait l'amour par téléphone? Et ta mère? Ma mère, je sais pas, faudrait lui demander. Bah vas-y, va te coucher, il est l'heure là. Oui, mais ça répond pas à ma question ça madame. Ah bon, bah j'aurais peut-être mieux fait de ne pas lancer cette idée d'appeler une deuxième personne. Va quand même rappeler hein. Maintenant qu'elle est réveillée. Bah oui. Allô? Oui, je m'excuse, on a été coupé madame, parce que du coup vous m'avez pas dit si vous avez déjà fait l'amour par téléphone. J'ai dit va demander à ta mère. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec la question, ça répondra pas si vous l'avez déjà fait ou pas. Ouais, c'est ça, ouais. Va t'as te coucher, vas-y. Vas-y, t'as mal, t'as pas le temps de changer tes couches, changer ton biberon, et puis faire un gros dodo. Oui, mais ça répond pas à la question, tout ça, madame. Non, je réponds pas à tes conneries, là. Mais c'est pas une connerie, madame, c'est juste une question, vous me dites oui ou non, et puis on n'en parle plus. J'ai dit sodalinec. Oui, mais je comprends pas ce que ça veut dire. Sodalinec, c'est va chez ta mère. Oui, mais ça répond pas à la question. Non, je répondrai pas à vos questions. Bah pourquoi? D'abord, j'ai pas plusieurs questions, j'en ai qu'une. Je veux juste savoir si vous avez déjà fait l'amour au téléphone. J'ai dit, va te coucher, il est l'heure. Oui, vous l'avez déjà dit, mais ça répond pas à la question, ça, madame. Oh, qu'est-ce qu'il est lourde! Mais qu'est-ce qu'il est lourde! Bon, allez, encore une fois, allez, on rappelle, et puis après. C'est dommage, parce que. T'as que ça à foutre, hein! Bah oui, je suis au chômage, madame, donc du coup, moi, j'ai que ça à faire. Ah bah moi aussi, je suis au chômage. Ah bon, bah parfait, alors. Comme tout le monde, tu cherches du travail. Bah voilà, donc du coup, on se comprend bien si on est tous les deux au chômage. Ah, bien sûr. Ça vous regarde pas? Bah si, c'est pour ça que je vous appelle, madame. Allez, arrêtez d'être désagréable. Où que j'ai été chercher mon numéro, Naël Debouk? Moi, j'étais sur 118-218, madame. Toutou, youtou. Ouais, bien sûr. Vous avez que ça à faire, ouais. Youtou. Vas-y, va faire du théâtre, va faire qu'est-ce que tu veux. Va téléphoner à qui tu veux et me casse pas la tête. Bah, je vous casse pas la tête, je vous pose juste une question. Vous répondez à la question, on n'en parle plus, madame. Alors là, tu peux toujours rêver pour que je réponde à ta question. Oh non, dites pas ça, madame, je vais être obligé de vous rappeler. Ouais, c'est ça. Là, t'as que ça à foutre. Hein. Franchement, ça se voit que tu dois être chez Free ou là, au bout, je sais pas qui, là. Oui, c'est ça, oui, j'ai appelé illimité, oui. Bah ouais. Ah bah franchement, arrête de payer ta facture et va chercher du travail. Bah non, c'est-à-dire qu'en même temps, je suis payé à rester chez moi et maman, elle paye le téléphone, alors du coup, je peux faire ce que je veux. Ah ouais, bien sûr, en plus on a une maman. Hein, t'as qu'à demander à ta maman qu'elle te change ta couche et puis qu'elle met ton biberon. Il est l'heure là. Non mais bon. Il est l'heure, hein, bonne nuit les petits. Et t'as oublié le marchand de sable là? Oui mais j'ai 35 ans madame. Ah 35 ans, non, 35 mois je crois. Oui 35 ans, oui c'est ça, nos 35 ans. Non, 35 mois là. Non. Là, dites-lui vite, le marchand de sable il va passer. Dépêche-toi. Je suis pas sûr qu'à 35 mois on parle déjà. Mais bon alors du coup ça répond pas à ma question tout ça. Tu peux toujours rêver. Tu peux même écrire au Père Noël, il va peut-être te répondre. Bah oui, mais enfin moi je crois plus au Père Noël, hein. Ça fait longtemps. Hein. On vous a pas prévenu, il n'existe pas. Ah non, bah je sais pas. Hein. Peut-être il va t'acheter un petit cadeau. Hein. Reste sage et puis il va faire dodo, il est l'heure là. Hein. Oui, mais vous avez pas répondu à la question là, madame. Alors hein, on va arrêter de tourner autour du pot, vous répondez et puis on n'en parle plus. Oui, le pot, je l'ai pas trouvé. Mmh, d'accord, très bonne vanne, je la note. Et donc alors oui ou non pour le téléphone? T'as pas encore trouvé ton pot pour faire caca ou bien pipi? Oh, allez, arrêtez, madame, soyez gentille. Non, c'est pas madame, c'est monsieur. Vous êtes un homme avec cette voix? Oui, j'ai mangé des hormones pour avoir une boîte de femme. Ah, vous êtes en pleine transformation. Voilà. D'accord, parfait. Eh ben écoutez, ouais. On va se souhaiter une bonne soirée alors, hein. Je vais vous laisser vous transformer tranquillement. Ouais, d'accord. Allez, au revoir. Bisous, hein. Ouais, c'est ça. Bisous, bisous. J'ai l'impression que c'était la merde de Virginie du 5-9. Ah, il y a quelque chose, ouais. En tout cas, on était bien dans le Nord. Ah, ouais, il doit y avoir un truc. Ah, on était dans le Nord. Bon, ben, on en fera l'autre demain, hein, si vous avez l'autre numéro à proposer. TOPH@energie.com, on compte sur vous. Il y a le Polo Show qui va arriver aussi dans pas longtemps. David également à 3. Et puis, tous vos messages. Madison qui dit salut l'équipe. Une fois j'ai gagné 1000 euros à un jeu à gratter. Et souvent, je gagne entre 30 et 150. Non, pas mal. Ah, putain, ça. Ah, ouais, ça va. Et plutôt pas mal, Madison, là. On écoute Charlie Puth et Selena Gomez. On revient juste après. On est au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël sur Energie. Anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. Bah ouais, et il y a Sima sur le Twitter qui dit il gagne quoi Tof à part c'est des insultes dans les appels mal intentionnés. Bah c'est ça hein, des insultes. Mais il kiffe et il bande à chaque fois hein. Mais bien sûr, j'adore ça. Bah ouais. Il y a Mogu aussi qui dit mes grands-parents avaient tous les numéros au loto, le seul jour où ma grand-mère a pas joué. Ah oh, putain la poisse, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne jouais pas avec toujours les mêmes numéros pour éviter le jour où t'oublies que bah tu l'es dans le cul quoi. Mais non, ils font des trucs, tu sais, où ça joue pour toi. Ouais, bien sûr, tout est automatisé, ouais. Un pote a gagné 20 000 euros au Blackjack, c'est Babar qui avait envoyé le message. Eh bah, c'est la chance aussi, ça. Et avant de se faire le Polo Show, c'est David qui est avec nous à 3. Salut David. Salut. Salut, comment ça va? Moi, mon histoire, c'est que j'ai trouvé 500 euros à un distributeur de billets. Ah, c'est encore mieux que l'auto, ça. T'as dû rien investir, oui. T'as gagné directement les 500 boules. T'as trouvé 500 francs dans un distributeur de billets, donc ça appartenait à quelqu'un. Ouais. Bah en fait, je suis arrivé derrière une dame qui a eu un appel à mon avis d'urgence. Elle est partie en pleurant et elle a laissé sa carte bleue dans le distributeur. Et elle avait déjà fait les manipulations. Je suis arrivé au distributeur, j'ai retiré sa carte, j'ai sorti 500 euros. Donc en plus, tu sais, donc t'étais dedans et t'as volontairement pris les 500 euros ou les 500 euros étaient déjà sortis et... étaient déjà sortis. J'ai juste posé la carte après dans la boîte aux lettres de la banque et j'ai ramené l'argent. Et t'as rendu l'argent? Oui, j'ai ramené l'argent. Ah, d'accord, très bien. Donc tu es un disciple de Polo alors. Oui. Ah, car l'honnêteté paye un jour, sachez-le. Oui, j'ai quand même posé la carte bleue dans la boîte aux lettres. D'accord, ok. Ouais, alors ça c'est honnête parce que tu peux pas. La meuf, tu sais qui c'est. Tu peux pas le garder. Tu trouves la thune par terre, c'est normal, tu la gardes. Si tu vas pas la donner. Oui. Mais là, c'est sérieux là. Oui, j'ai déjà gagné 500 euros pour aller en boîte de nuit, donc c'est pas mal. Non, attends, j'ai pas compris. Les 500 euros, tu les as gardés ou tu les as rendus? Ah non, je les ai gardés. Mais t'es un chien de la casse, alors ça se fait pas, David. Mais t'es un chien de la casse. Les gardés, parce que pour le coup, il y avait. Pour le coup, il y a. La carte bleue. Ouais, bon, c'est déjà pas mal, mais pour le coup, il y avait le nom de la bonne femme. Il y avait, tu sais, tu rentrais dans la banque, t'expliquais l'histoire. Mec, c'est du vol pur et simple. Après, le problème dans ce cas-là, c'est que tu trouves les 500 euros, tu vas les rendre au banquier en disant voilà, écoutez, la personne est partie, machin. Est-ce que le banquier va pas garder les 500 balles? Tu sais ce que tu fais? Tu prends une enveloppe. Si t'es vraiment un mec honnête, tu prends une enveloppe, tu mets le nom de la meuf, tu dis voilà, j'ai trouvé sa carte. Voilà, il y a une petite somme dedans. C'est son argent. Oui. Voilà, remettez-lui en main propre. Ou alors c'est vraiment encore plus honnête, tu contactes la dame, la personne âgée. Ça se trouve, elle a pas mangé pendant 6 mois de ta faute, chien de la casse. Possible. Ouais, parce que tu sais pas. Mais oui. Tu sais, parce que les vieux, ce qu'ils font, c'est qu'ils retirent, genre, tu sais, leur argent du mois. Et après, ils le dépensent au fur et à mesure, quoi. Ouais. Mais le problème, c'est que je l'aurais redonné au banquier, est-ce qu'il y aurait redonné? Mais oui, ouais, mais oui. Ça, après, évidemment, tu peux pas le savoir, évidemment. Ah oui, mais au moins, t'as la conscience tranquille. Et faut savoir un truc, par exemple, ce que t'as fait là, au distributeur, il y a des caméras, parfois il y en a une, voire deux, et ta gueule est filmée, quoi. Donc c'est-à-dire que pour le même prix, si c'est un endroit où tu passes souvent, les mecs ils te retrouvent, hein. Mais c'est bien honnête. Ça remonte il y a 4 ans, donc j'aurais peut-être eu des nouvelles depuis. Oui, normalement, ouais. Là, après ça dépend, tu vois, peut-être la vieille elle a rien dit parce que les blindés elle s'en fout. Mais s'il y a des gens qui font des poursuites et tout, tu peux être retrouvé, quoi. Ouais, c'est possible. Oui. Et ils ont ta gueule, t'inquiète pas, hein, ils l'ont bien et tout. Ah mais j'ai quand même reposé sa carte bleue, donc C'est déjà pas mal. Enfin, la carte bleue, tu passes un coup de téléphone, t'en reçois une nouvelle. T'as pris 500 les 500 euros, c'est plus compliqué, hein. T'as pris 500 euros pour aller en boîte, c'est même pas pour nourrir des pauvres ou parce que tu crevais la dalle, c'est ça qui est scandaleux. Encore, t'aurais été nourrir Toff, Ça m'aurait fait plaisir, parce que peut-être que ce jour-là je crevais la dalle. Ouais, va savoir. En plus, il y a 4 ans, il crevait la dalle. Ah, il y a 4 ans, pas tant que ça, il y a eu pire. Il y a d'autres gens qui crevaient vraiment la dalle. C'est vrai. Bon, bah David, merci d'avoir appelé en tout cas, tu rappelles quand tu veux. Pas de soucis. Okay. Salut gros, ciao à toi, à bientôt. Hein. Ciao. Bon, putain, j'ai oublié de faire le jeu du partant pas fâché. Ah bah mais alors bon. Bah ouais, bah du coup j'ai oublié. Bah c'est pas grave. On fait demain, promis. N'oubliez pas, demain on sera là à partir de minuit. On va d'abord se faire le polo show maintenant. C'est le défouloir. Si vous voulez participer, 01 40 71 5000. En attendant, on s'écoute le son de Jennifer Lopez sur Énergie. Passez une bonne nuit, il est 2h54. I'm gonna be cooking all day. I ain't your mama. I'm gonna do your laundry. I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gon' get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Change around here. Sur Énergie, on est là en direct avec le Polo Show. Maintenant, c'est le défouloir. Ladies and gentlemen, ah, mais dis donc, Polo, là, au lieu de faire le connard à la radio, tu voudrais pas venir nous payer les 1850 balles de ces sandwichs au pâté, là, peut-être ? Hein ? C'est Ricard à la con et ses bières ? En plus, il nous bouge les chiottes, cet enculé, avec ses chaussures en caviar, il se prend pour une star. Mais c'est vrai, toi, mais je suis une star, 0140-71-5000, bienvenue, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show, on y va, on commence juste avec l'incontournable, l'inénarrable et le gros sac, Monfion, t'écoute. Ah, dis pas bonjour, hein, tête de con. Ouais, mais après, d'abord, je vais parler avec Monfion. Eric de Monfion, t'écoute. Salut, mes lapins, comment t'allez-vous ? M'appelle pas comme ça, je suis pas ton lapin. Bon, alors. Bon, Michel à l'area ? Ouais. Le Real plus pourri de la Terre. Mais bon, là, on devait. C'est un quota de. Enfin, je sais pas quoi, c'est un quota apparemment. Ouais, c'est comme toi, mais. Voilà. Bon. Parce qu'en fait, comme il coûte pas cher, on le prend. Voilà, je l'ai là, comme ça, tous les soirs. Valentoche et Christophe sont standards, n'hésitez pas à les appeler. Monfion, t'écoute. Oui, Michael, ça a été soutien. Y'a pas Michael ici, 0140-71-5000, Ryan. Ouais. Qu'est-ce que tu veux ? Ouais, Maxwell. Ça te regarde pas. Damien, on t'écoute, 0140-71-5000. Oh, Stargate, il est jamais content, lui. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Il veut l'Uber et l'argent d'Uber. C'est drôle, ça, pas mal. Jérôme, on t'écoute, 0140-71-5000. Ouais, salut, c'était pour passer une dédicace à Stéphane qui est parti sur Bordeaux et à l'enculé d'Emeric qui monte sur Orléans. Ouais, super, tout le monde doit être content, nous on comprend pas, mais vous êtes heureux, c'est bien, vous quatre. JB ou vous trois, je sais pas combien. JB ! Ouais. Magne-toi. Ah, vas-y. Bah, je voulais passer une petite dédicace à tous les boulangers, et puis bah vous assurer, et puis bah va te faire enculer, Polo. Hein. Avec plaisir, j'y vais là. Je te remercie pour cette invitation. Mehdi, on t'écoute. Oui. Qu'est-ce que tu veux ? Rien. Y'a rien. Hein. Pourquoi t'es là alors ? Parce que j'ai cherché un petit copain. Mehdi, c'est pas un centre de rencontre ici. Tu te rends compte ? Attends, si j'ai quelqu'un, Monfion. Oui. Tiens, il y a Mehdi là, Mehdi Monfion, présentez-vous, aimez-vous et faites des. Allez-y. Salut mon petit lapin, comment vas-tu ? Ben ouais, toi. Bien entendu, ce passage est censuré pour les moins de 18 ans. Ouais, bien sûr. Vas-y, mène-toi, Monfion là ! Ah ben j'écoute, oh. Tu sais pas quoi dire, mon petit ? Non, du tout, non, je suis tout intimidé. Non, mais faut pas avec moi, tu sais, faut être à l'aise, tranquille. Ah, qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu aimes ? Ah, un peu de tout. Et dis-lui quoi, au lieu de dire un peu de tout ? Soit un peu plus. Ah bah, je sais pas, moi, j'aime sucer. Bon, Mehdi, Mehdi ? Oui. Je pense que c'est mort. Arrête, va t'acheter une poupée gonflable et puis un mec gonflable et change. Mon fion, reste là, je m'occupe de toi. Mathieu ! J'ai un mec pour mon fion, j'ai mon cousin de Sofiane de Strasbourg. Ouais, mais c'est de la connerie, c'est pas vrai. Je jure, mais non, te mais non, Mathieu, Mathieu. Non, attends, attends. Mathieu, ton cousin peut pas s'appeler Sofiane. Comment ça se fait? Et parce que j'ai un père marocain et une mère française. Bon, et qu'est-ce que tu veux? Et en parlant de PD là pour les... Dégage, c'est pas bien, c'est homophobe, faut pas dire ça, pas ici. Julien, on t'écoute, 01 40 71 5000. Ouais, ça devient n'importe quoi ici. C'est normal, ça a toujours été si. Si ouais, tu veux ça de... Écoute-moi, si tu suivais ça depuis la création de cette chose qu'on appelle le Polo Show, mec, ça a toujours été. Ah bah oui, c'est bah pas moi nouveau. C'est le début de toute façon. Dis-moi, mais pour juste un truc. C'est Mich Mich qui vient de faire l'amour pour la première fois, il va voir Toff. Ouais. Et il lui dit, ah bah ça y est, j'ai enfin fait l'amour. Et Toff lui dit, et c'était comment? Et Mich Mich lui dit, bah c'était bien, mais il faut que je m'assoie là. Super, c'est pas drôle, tu sais ça, Julien? Bah, y a pas de chute, y'a rien, tu l'as inventé là. J'ai ouais, c'est de la merde, dégage. Stéphane! Ouais, qu'est-ce que tu veux? À tous les chauffeurs. Super, Nicky Larson. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Carton, on a vu la petite carton. On comprend rien, Rick de Monfion, on t'écoute. Ouais, t'arrêtes de dire que je suis un gros sac. C'est et... vrai, Rick, c'est pas vrai. Mais non, mais combien? Attends. Eric de... Eric, Eric. Tu n'as pas toujours la même question. T'as cette gaine. Combien? Non, c'est du quoi? C'est de quel diamètre? Toi, t'es pas vendeur, toi, connard. Mais non, mais je suis pas. Bien sûr que je suis pas un vendeur, mec. Tu vois bien que je fais pas de la vente. Bah, t'es pas là pour m'aider. Mais je suis pas là pour t'aider. Mais si, on fait ça, mais ça fait 2 ans qu'on est sur, toi, mais sur non, ton bien. Je raconte pas de la daube. Bah, tout à l'heure, tu dis que je fais que du sale. Que je fais un oh, mais sale. C'est du sale que tu fais. C'est vrai, Eric, c'est pas du romantisme. Non, c'est faux, mais t'es pas dans un truc de pétale et t'es pas. C'est pas beau ce que tu fais, c'est sale, toi. Oh, tu vas sur les stations. Tu vas dans les stations avec les routiers, là, te faire. Pas la tête, non, t'es si. Pas un peu balade. Si, c'est non, vrai, Eric. Non, si, c'est toi même qui le dit. Ok, Ethan. Dédicace à Eric de Monfion, au chien de la casse et à tous les insomniaques. T'as quel âge, Ethan? 12. Pourquoi tu fais. C'est d'où? Paris, 75. Bon, tu reviens quand tu veux, Ethan, t'es ici chez toi? Ouais, je suis chez moi là. Allez, va dormir, allez, ouais, c'est ça, il comprend rien. Alicia! Ouais? Qu'est-ce que tu veux? Bah, déjà, dédicace à vous, à tous ceux aussi qui s'en bat les couilles de ma dédicace. Ouais. C'est son nombre, Alicia, tu sais? Ouais, et. C'est 90%. Vas-y. Et j'emmerde Maxwell. Super, 01 40 71 5000, Nicolas, on t'écoute. Ouais, salut Polo. Vas-y. C'était pour dire que, bah, comme d'habitude, je déchaussais dans de Tintin un grand coup de bite. D'accord, bah c'est tout. Non, et je fais un gros bisou à Biloune aussi là. Qui s'est... Message est passé, Jean-Luc, on t'écoute. 01 40 71 5000, appelez, vous êtes sur Énergie. Ouais. Valentin chez Christophe au standard. Salut Polo, ça va? Qu'est-ce que tu veux? Tu connais la différence entre une chatte et une purée? Ça doit être sale, mais vas-y. Non, la purée, tu peux bouffer celle de ta grand-mère. Oh, c'est nul, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Eric. Ouais. Bon, vas-y, arrête de te plaindre, vas-y. Et je fais pas dans les bacs à sable, puis on est pas aux grosses têtes ici, à vous faire foutre. Mais qu'est-ce que tu racontes, Eric? Le mec avait 40, 30 ans. En plus, tu comprends un an, le gamin avant. Ah, mais il t'a salué, quoi. Les mecs t'aiment. Attends, Eric, t'es devenu une légende de la nuit, tu sais. Tu m'étonnes. Eh ouais, ouais. Mehdi, on t'écoute. Ouais, allô. Ouais. Ouais. Quoi, tu vas répéter ouais sans arrêt là? Ouais. Ah bah alors dégage. Kevin, on t'écoute. Ouais, salut Polo, tu vas bien? Qu'est-ce que tu veux? Dis donc, oublie pas de dire à Eric de Monfion, j'ai toujours deux collègues qui aiment bien la grosse bite. Mais oui, mais oui, ouais, c'est ça, ouais. Et regardez comment Michel est le plus mauvais réa de la terre. Jingle, Michel! Regardez la médiocrité de ce mec. Après, vous allez vous comprendre pourquoi je me plains. Hein? Regardez la médiocrité, regardez. Tel un imbécile, il sort de je ne sais où. Est-ce qu'on peut avoir un jingle, s'il te plaît, pour aérer cette émission? Allez, regardez, hop, là, voilà. Voilà, je sais pas d'où il est. Le routier, on t'écoute. Ouais, j'ai envie de m'en prendre une sur la piste. C'est, tu veux t'en prendre quoi? Une bite. Bah, écoute, démerde-toi, mec. Arrête-toi, il y a sûrement des mecs, ça va intéresser. Antoine? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux? J'encule mon fion autant que j'encule le PSG. Ouais, ouais. D'accord, super, Fago. Ouais, salut Polo. Quoi? Il y a le routier qui a traversé. J'ai été censuré. Pour se mettre sur la tête, il y a Kevin là qui veut. Ouais, on comprend rien, Sam, mine-toi. Sam. Ouais. On t'écoute. C'est... C'était pour dire, je crois que l'autre, il avait raison, hein. Je crois que Saguette, il a creusé. Du coup, maintenant, il pousse la bagnole, hein. Le tacos, à mon avis, il rame, là. Ah, d'accord, peut-être. Oui, il rame dans une bagnole, c'est bien ça. Johan ! Ouais, Polo, pour le moment, t'es l'heure, là. Ouais. Ça marche que dans un sens ou ça marche dans les deux sens ? C'est-à-dire ? L'autre jour, moi, c'est la meuf qui m'a menti. Donc, ah, mais oui, mais je t'ai. Mais non, mais vous écoutez toujours. C'est ça qui m'énerve avec vous. Écoutez la chose entièrement. Mentez-leur. Elles adorent qu'on leur mente car elles vous mentiront avant. Tu comprends ou pas? J'étais avant elles, mais au final, je me suis fait baiser. Mais oui, mais parce qu'elles sont plus malines que toi. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois pourquoi elles sont là? Elles sont plus fortes. Sinon ça se saurait si t'es intelligent. Jérôme, mène-toi. Ouais, salut Polo. Qu'est-ce que tu veux? Dédicace à ça, qui doit avoir ses grumeaux là avec, dans ses couilles là, avec le ramadan. Le cochon, là. Ouais, Jérôme, c'est génial. Je sais pas, je suis pas parti à l'intérieur, j'ai pour voir. Jérémy, on t'écoute. 0140 Santémon 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. En parlant de ramadan, là, j'aimerais le numéro de la meuf au standard, j'ai la dalle. D'accord, bah, pourquoi tu l'as pas demandé avant? Elle m'a raccroché trop rapidement. Bah voilà, là, mec, tu te crois où, toi? Tu crois que c'est un centre de relations ici, Aurélien? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? C'est juste pour souhaiter un grand Mazel Tov à nos amis Avner et Léa qui viennent de se marier, voilà. Et bah Mazel Tov pour eux et puis beaucoup de bonheur, quoi. Et voilà. Allez, ciao, Razian, Maroc, Marco, Razian, je sais pas. Marco. Qu'est-ce que tu veux? Grosse dédicace pour les militaires, à tous ceux qui sont en France et à l'extérieur. Allez, dédicace à eux, Jean-Luc. Ouais, t'as pas aimé ma vanne? Non, c'était nul, Jean-Luc. Bon, bah, je t'encule alors, ça passe. Avec plaisir. Allez, dégage, c'est avec ça que tu peux faire. Damien! Ouais, tu m'as raccroché au net tout à l'heure. Ouais. T'es foncé, toi. T'es complètement malade. Bah, dis quelque chose. Bon, dis quelque chose. Dégage, Francisco. Allô, tu crois qu'il est dans un film? Ouais, Polo, ça va? Il se croit dans Game of Thrones. Francisco! Ouais, on t'écoute. Ouais, ça va, arrêtez de me poser la question. Ouais, petit dédicace à mon beau-père José, là, qui est en train d'écouter. Ah, c'est un portugais, José, t'es un portugais? Bah, oui, hein. Bon, bah, ici, bah oui, bah, alors, quoi, c'est pas une insulte. Et puis, t'as intérêt d'encourager les portugais, hein, pour. Non, moi, je suis pour personne, j'en ai rien à foutre. Samuel le Niçois, on t'écoute. Ouais, Polo, tranquille. Ouais. Dis-moi, est-ce que je peux t'envoyer, t'as une adresse mail ou je peux t'envoyer la photo? J'ai retrouvé le camion d'Éric de Monction, j'ai pris la photo. Ouais, TOPH. toph@energie.com. Allez, n'hésite pas, le routier. Ouais, alors j'attends toujours pour m'en prendre une sur la 6. Ouais, le routier, je t'ai déjà expliqué que c'était pas un centre de relations ici. Tu fais ce que tu veux, tu vas t'en prendre une. Tu t'arrêtes, tu vois les mecs là, tes potes les routiers, tu poses la question, ils vont te répondre, tu vas voir, ils adorent ça. Eric. Ouais, je polo bien. Qu'est-ce que tu veux? Bah écoute, ça va et tout, je veux savoir comment t'allais et tout, sinon. Qu'est-ce que tu veux? Eric de Monfion, là, il est chaud pour une grosse bite ou pas? Mais Eric, ça sert à rien de lui proposer ça puisque tu lui emmèneras rien. Alors arrête de. Mais oui, de... mais vas-y, mais bon, contact avec lui là. Non, Eric, c'est pas un jouet. Soit t'as un vrai truc. Ouais. Et voilà, il se passe. Bah écoute, j'ai un petit message là. Allez les bleus pour jeudi. Eh ben voilà, tu vois que c'est intelligent ça. Quelque chose de propre. Voilà, allez, vas-y, bonne soirée. Hein. Pareil pour toi, Eric. Tu reviens quand tu veux. Monsieur Eric de Menton, la légende, celui qui déchaîne les passions le soir, la nuit. Ouais, t'es raccroché le timide. Eh oui, il a raccroché. Tu voulais faire quoi, Eric? Tu sais très bien que ça sert à rien. On va passer par quoi pendant 10 minutes? On aurait pu échanger des SMS. Ah, tu voulais échanger des SMS avec lui? Ouais. Ah bah alors, je sais plus comment il s'appelle. Si on pouvait me le mettre en relation avec Eric de Monfion, si je peux rendre service. Mehdi, Johan. Ouais, Polo, ça avait coupé. J'ai pas entendu la suite de ton message. Par rapport au Montélère. Non, ça n'a pas coupé. Je t'ai dit, c'est parce qu'elles sont plus intelligentes. Mais bien sûr, c'est pour ça que tu dois prendre les devants. Ah, c'est tout. Mais aussi dans une petite blague. La villa qui tombe dans un trottoir, c'est quoi? Je sais pas. Un accident de travail. Super. Mehdi. Oui. C'est toi qui cherches de l'homme. Ouais. Tu veux te mettre en relation avec mon fion ou pas? Vas-y, pourquoi pas. Bon, est-ce qu'on peut me les mettre, les prendre en antenne, Christophe, et me les mettre en relation, là, le mon fion et le Mehdi? Que je puisse m'en débarrasser. Hein. Jackie, ouais, on t'écoute, ouais. Jackie. Ouais, ça va, Polo? Bah oui, mec, je suis là, okay, quoi. Ça. Bah ouais, on est là. Il y a un nouveau. Quoi? Il y a un nouveau stand. Je t'écoute, je t'entends pas, Jackie. Allô, tu m'entends? Ouais. Il y a un nouveau standardiste ou quoi? C'est un stagiaire de Toff. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi? Jackie, on t'entend pas, là, mon grand, là. Elle a son téléphone dans son cul. Oh là, il a raccroché. Ça Alicia! Pas mal. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? C'est pour passer au générique. Reste là. Johan. Ouais, salut Polo. Conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Allô. Qu'est-ce que tu veux, Johan? Ouais, salut Polo, pour te dire que je t'aime et dédicace à tous les routiers. Mais évite de m'aimer, je suis pas un mec merde, moi. Emilien! Ouais, salut. Dégage, on comprend rien, Alicia chante! Y'a pas mon personne quoi, cul comme toi! C'est toi qui as envie de dormir! Tu peux plus dormir! Et donc Alicia, t'es pas très expressive dans la chanson, hein? Alicia? Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, Polo va chanter avec toi. Connerie, ils sont canadiens. Bon, dès que ça chante, évidemment. Jojo! Oh là! Comment il va, Polo? T'as toujours la chiasse ou quoi? Grave! Mehdi! Oui! Dégage! Alicia, chante! Enculé! Tellement ça, tu es enculé! Et toi, Christophe? Enculé! Oui, tous les deux! Allez, Alicia! Des enculés! Alicia, ma bite. Voilà, tout simplement. Bon, allez, gros bisous Alicia, passe une bonne nuit. Merci à vous aussi. Salut à toi. Ciao. Alicia, je t'embrasse, on se retrouve demain en pleine forme. Passez une bonne nuit, salut Tof, salut à Valentine au standard qui est déjà encore là. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. À demain tout le monde. Demain, on se retrouve à minuit, ce sera juste après Guillaume. Et puis toujours au taquet bien évidemment et en pleine forme. 01 40 71 5000, n'oubliez pas la GoPro pardon à gagner sur le Facebook de l'émission. Venez nous rejoindre, vous tapez simplement MIKL officiel. Je vous laisse avec plein de sons, plein de hits toute la nuit. Au cœur de la nuit sans pub d'ailleurs et on se quitte maintenant avec le son de Mom. Il y aura Zao, il y aura Bruno Mars, David Guetta et Pitbull qui arriveront dans les prochaines minutes sur Énergie. Passez une bonne nuit, à demain.